في ملك اليمين. Comme ça, بإذن الله عز وجل, l'enfant sera quoi? Sera libre. طيب. Alors, cet enfant est mort à l'âge de 8 mois. وعليكم السلام ورحمة الله. Cet enfant est mort à l'âge de 8 mois. نعم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très très très très touché et très très très affligé. Pourquoi? Non. Pourquoi? Car c'était le seul garçon qu'il a eu, subhanallah al-azim. Le seul garçon qu'il a eu. Et tout le monde sait que quand on a quatre filles, ensuite on a un garçon, subhanallah al-azim, qui ne devient pas content? Allah Ta'ala t'a donné un garçon, subhanallah al-azim, après avoir eu quatre filles. Non. Mais ce garçon n'a vécu que 8 mois. N'a vécu que 8 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cela. Pourquoi? Pour qu'on ne sait jamais s'ils vivent. S'ils vivent, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, celui-là c'est peut-être aussi un prophète, ou bien il a la bénédiction du prophète, etc. etc. Et ils vont rentrer dans le shirk. Ils vont rentrer dans l'associanisme. Comme ça, il n'a pas de garçon, c'est mieux. C'est mieux pour la Ummah. Non, c'est mieux pour la Ummah. Donc, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Des choses très importantes. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne comme toutes les personnes, dont le cœur s'attriste et dont le cœur s'afflige. Donc comme nous, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il perd quelqu'un, il est comme nous. Il a des larmes aux yeux et il a un cœur très très très triste. Surtout aussi quand il a perdu sa première femme bien-aimée qui était Khadija radiallahu ta'ala anha, qu'il avait beaucoup beaucoup beaucoup secondé en islam. Beaucoup beaucoup beaucoup. Non. C'est pour ça que yani, quand elle est morte aussi, il a été beaucoup affligé sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce hadith? C'est que, mais malgré, hein, malgré que cette chose s'est passée, il a perdu son émeraude et son plus beau, plus cher bijou, sallallahu alayhi wa sallam, mais il dit, on ne dit que ce qui a agréé Allah. Donc la différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre nous et les ignorants d'entre nous et les juhel, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le cœur affligé et triste, mais il ne dit que ce qui plaît à Allah. Et ce qui plaît à Allah, c'est quoi? C'est par exemple inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayrin minha. Et des choses comme ça. Et les ignorants, qu'est-ce qu'ils disent? Naam, ils commencent à insulter, ils commencent à se griffer le visage et ils font yani, beaucoup beaucoup de bid'a. Ils font quoi? Beaucoup beaucoup de bid'a. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez remarqué comment qu'il est, subhanallah al-azim, seulement il dit ce qui plaît à Allah azza wa jal. Il ne dit jamais un mot, naam, de travers. Naam, il ne dit jamais un mot de travers. Pourquoi? Parce que c'est la piété qu'il a dans le cœur, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tandis que les autres, naam, quand ils perdent un enfant, ils commencent, comme j'ai dit, celui-là il se griffe le visage, celui-là il se déchire les cheveux, et celui-là qu'est-ce qu'il fait? Et celui-là il insulte celui-là, etc. etc. Naam. De préférence, jazakumullahu khairan, n'écrivez pas des choses nouvelles, vous risquez de vous tromper. Naam. Car Zayd ici, c'est pas son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un fils qui s'appelle Zayd. N'écrivez pas pour que je ne sois pas obligé de vous corriger et donc je perds le temps. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd, c'est qui? C'est quelqu'un d'adoptif. Ce n'est pas son fils. Il a seulement Al-Qasim. Naam. Il a Al-Qasim qui est le fils de Khadija et qui est né à Mecca. Une année avant quoi? Une année avant l'histoire de comment ça s'appelle, de l'éléphant. Naam. Et il a un deuxième enfant qui est venu après lui, naam, qui s'appelle Abdullah. Et celui-là, on l'appelle aussi Tayyib ou Tahir. Et certains se trompent, disent qu'il a aussi Tayyib ou Tahir. Ce n'est pas lui, c'est seulement Abdullah qui s'appelle aussi Tayyib ou Tahir. Naam, il est toujours de Khadija. Il est né, yani avant une année. Naam. Moudet Hayati, une année seulement. Il a vécu, pardon, il a vécu, naam. Et le troisième, il s'appelle Ibrahim, dont on parle. Naam, qui a été de, non pas de Khadija, mais de Maria bintou Shim'oun. Maria bintou Shim'oun. Naam. Certains ont dit, il a vécu 3 ans. Certains ont dit, il a vécu 8 mois. Tayyib. Naam, on ne parle pas du fils adoptif. On parle seulement de ses vrais enfants. Donc, c'est quoi la balance avec laquelle on mesure quelqu'un? Naam, on mesure sa piété. On la mesure où et quand? C'est quand il y a les grands malheurs. Naam, quand on perd quelqu'un qu'on aime, etc. C'est là qu'on va voir est-ce que cette personne est pieuse ou là seulement elle bluffe. Naam, seulement yani qam, etc. Mais maintenant que elle a perdu par exemple une personne très chère, regardez maintenant par exemple sa réaction. Regardez sa réaction. Ça a un très grand rôle. Naam. Tayyib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, tayyib, je vais citer le numéro des hadiths, 2954. Hadith 2500, naam, 2500, pardon, combien? 2900, 2954, naam. Et certains ont dit qu'il a vécu 3 années. Certains ont dit que Ibrahim a vécu 3 années. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ta'afaw, ta'afaw al-hudud fi ma baynakum. فما بلغني من حد فقد وجب تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous donne à peu près le sens, à peu près le sens. Il a dit, quand vous faites par exemple un péché qui demande un had, n'am, quand vous faites un grand péché qui demande un had, qui demande par exemple, comme si quelqu'un fait la fornication, s'il est marié, ça demande la lapidation. Naam. S'il n'est pas marié, ça demande qu'il soit flagellé. Et comme ça demande un had. S'il vole plus de un quart de dinar en or, ça veut dire sa main doit être coupée, sauf s'il a des excuses. Il travaille pas, etc. Il allait mourir de faim, etc. On ne parle pas de cela. Mais que dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si quelqu'un fait l'une de ses grandes fautes, qui, cette grande faute, il faut qu'on fasse sur elle le had, il a dit, essayez de, yani, de vous pardonner à vous-même. L'expiation, naam. Essayez de vous pardonner à vous-même. فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَجَبَ. Mais si moi, on m'apprend cette chose, ou bien j'apprends cette chose, alors je suis obligé de l'appliquer. Je suis obligé de quoi? De l'appliquer. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée, si vous vous rappelez, j'ai dit que quand quelqu'un fait un grand péché, même s'il était dans un État islamique, il ne va pas chercher le gouverneur pour lui dire, appliquez sur moi, quoi? Appliquez sur moi l'expiation. Naam. Mais qu'il laisse cela entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un va dire, mais pourquoi Ma'iz, radiyallahu ta'ala anhu, est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé l'expiation? Et pourquoi la femme aussi, Ghamidiya, est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé qu'il la lapide? Pourquoi? Je dirais très simplement, elle est partie d'elle-même. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'islam ne lui a pas demandé de faire cela. C'est elle qui a voulu. Si quelqu'un fait, par exemple, vole quelque chose qui a une valeur de plus d'un quart, un quart de dinar d'or, et maintenant on doit lui couper la main, maintenant il veut aller chez le gouverneur pour lui couper la main, qu'il aille. il est libre. Mais le gouverneur ne te pardonne pas. Si tu vas là-bas, il va te couper la main. Naam. Donc le prophète Aslam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu as volé quelque chose, ou l'as fait la zina ou là. Fais quoi? Fais entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, quoi? Fais la tauba. Et c'est pas la peine d'aller, naam, te découvrir devant les gens. Vous m'entendez? Naam. Tayyib, rappelez-moi après, Inch'Allah, comment qui s'appelle Hadith Zawjat al-Ukhra. On n'est pas encore dans les questions, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été très clair dans un autre hadith. A été très clair. Il a dit, اجتنبوا هذه القدرات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله صحيح الجامع 149. On me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez pas? Naam. Barakallahu fikoum. Celui qui n'a pas de son, naam. Celui qui n'a pas de son, qu'il ne m'écrive pas à moi, mais il demande aux autres. Naam. Celui qui n'a pas de son, qu'il demande aux autres, c'est tout. Ce n'est pas la peine de m'écrire. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Tayyib, naam. Jazakallahu khair Ismaïl. Tayyib. Donc, ici, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce deuxième hadith? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, éloignez-vous de ces saletés. Les saletés, les grands péchés. Hein? Éloignez-vous de ces saletés. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Éloignez-vous de ces saletés que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Faman alamma bi shay'in minha. Mais si quelqu'un a fait une de ces saletés, naam, falyastatir bi sitrillah. Qu'il se cache avec le rideau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il se cache. Wa yatub ila Allah. Et qu'il fasse la tauba entre lui et Allah ta'ala. Mais quiconque nous montre yani, ce péché et ce qu'il a fait, on va appliquer sur lui le jugement d'Allah Ta'ala. Donc conclusion, les portes de la Tawbah sont grandes ouvertes et ne se fermeront que jusqu'au jour où le soleil se lèvera de quoi? De l'ouest. Et quiconque fait un grand péché, même si on est dans un état islamique, c'est pas la peine qu'il aille au gouverneur, mais qu'il fasse la tauba entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, barakallahu fikoum. Regardez, naam, regardez la beauté de l'islam, subhanallah l'azim. L'islam te dit, tu as fait une faute, naam, tu as fait une faute en cachette, les gens ne savent pas, ce n'est pas la peine d'aller te découvrir devant qui? Devant Wesmo, le gouverneur qui va te lapider ou te flageller ou bien te couper la main comme ça devant tout le monde. Mais, yani, alhamdoulilah, que personne ne sait cela. Alors fais la tawbah entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de gens qui sont, mashallah, sincères. Je n'ai pas un gramme de doute sur leur sincérité. Mais qui, entre parenthèses, n'ont pas de science. Alors qu'est-ce qu'ils font? S'ils font par exemple un grand péché, ils se disent à eux-mêmes et entre eux-mêmes, ils se disent par exemple, viens appliquer le jugement d'Allah sur moi. Il dit par exemple à son ami, j'ai volé par exemple. Viens, on va à la forêt, tu prends une hache et tu me coupes la main par exemple. Je veux m'expier. Ou bien il va lui dire, par exemple, j'ai fait telle faute, donc tu frappes mon dos 80 fois. Car j'ai parlé sur une femme, j'ai dit elle a fait la zina alors qu'elle n'a pas fait. Alors viens, Inch'Allah, on va à la forêt et tu me flagelles, tu frappes mon dos 80 fois et comme ça. Ceux-là ont beaucoup de sincérité, ils veulent s'expier. Mais ils n'ont pas le ilm et la connaissance et la science qui leur permettrait dans ce cas de ne pas faire cette chose, mais de se cacher. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tu'radu a'malu an-nas fi kulli jumu'atin marratayn. Il a dit: les actions des gens, les actions des gens, nam, deux fois par semaine, on l'expose à Allah subhanahu wa ta'ala. Deux fois par semaine. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, nam, il y a des anges qui vont montrer ces choses à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quel jour? Lundi et jeudi. Lundi et jeudi. Certains vont dire, pourquoi ces anges vont montrer à Allah ta'ala? Allah ta'ala n'est-il pas le connaisseur, le parfait connaisseur? Ne sait-il pas? N'est-il pas omnipotent, subhanallah l'adim? Pourquoi on lui montre? Il y a des anges qui lui montrent. On dit, naam, la réponse, Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup de sagesse. Naam, en faisant cette chose. Naam, en faisant cette chose. Premièrement, les anges ont cet emploi de faire cette chose. Les anges ont cet emploi, cette adoration de faire monter les actions des gens, naam, et leurs actes deux fois par semaine. C'est quel jour? Le lundi et le jeudi. Il a dit, فَيَغْفِرُوا لِكُلِّ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. Et chaque croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Ici, les ulama ont dit, lui pardonne les petits péchés, pas les grands, les petits péchés. Les grands, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de la tawbah, avec ces quatre conditions. Ça a besoin de la tawbah, tawbah nasuh, la grande tawbah, qui comprend quatre conditions. Naam. Donc Allah ta'ala pardonne chaque jeudi, chaque lundi, les péchés des croyants. Naam. Il a dit, illa, sauf une personne. Il ne lui pardonne pas. Qui c'est? Naam. Illa abdan baynahu wa bayna akhihi shahna. فيقال اترك هذين حتى يفيا. نعم. Donc il a dit, il pardonne à tous les croyants sauf à une personne qui a yani des problèmes avec une autre personne et qui il y a la vengeance entre eux. Ils ne se parlent pas. نعم, ils se parlent pas. Ils se sont disputés, ils ne se parlent plus et il y a la vengeance entre eux. Quand ils se rencontrent, ils se disent pas salam alaykoum et ceci et cela. نعم. Il y a l'haqd dans leur cœur. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas, ce qu'il pardonne aux autres le lundi et le jeudi, jusqu'à ce que l'un des deux revienne vers l'autre. Et celui qui revient le premier, c'est celui qui est le plus aimé par Allah, des deux. Naam. Celui qui revient le premier, c'est celui qui est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le même hadith, pardon, dans le hadith qui vient après, 2959, hadith 2959, juste après, qu'est-ce qu'il a dit? Tu'aradu al-a'malu yawm al-ithnayn wa al-khamis, fa uhibbu an yu'rad 'amali wa nasa'im. Dans le 2959, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les actions sont montrées et exposées à Allah Ta'ala le lundi et le jeudi. Alors, puisque c'est le lundi et le jeudi que les actions vont être montrées, que fait le prophète Aïssalam? Il a dit, donc j'aime faire le siyam. J'aime faire le siyam le lundi et le jeudi. Pourquoi? Pour que lorsque on montre mes actions à Allah subhanahu wa ta'ala, je sois quoi? Je sois en plein siyam. Naam. Subhanallah l'adim. Quand une personne, par exemple, a fait une faute, ou la vient demander qu'on lui expie des fautes. Naam. Imaginez que quelqu'un, naam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui expier les fautes. Et en même temps, il est dans une adoration. Il a jeûné le moment où il est en train de demander à Allah ta'ala de lui demander d'expier les fautes. Faites la différence entre celui-là et le deuxième qui, il a une bouteille d'alcool dans sa main. Il a une bouteille d'alcool dans sa main et il demande à Allah ta'ala de lui pardonner ses fautes. Vous voyez la différence entre le premier qui a jeûné et a fait des adorations, une adoration, et demande à Allah Ta'ala de lui pardonner. Et l'autre qui fait quoi? Qui fait un péché, et il demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui pardonner. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment, hein, quand il a su que le lundi et le jeudi, Allah Ta'ala lui montre ce que font yani, les êtres humains, ce que font les croyants, alors il a profité pour faire le siyam ces deux jours-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith long que je vais résumer très vite, de 2960. Non, 2960, il a dit تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا كالكوزي نعم مربدا كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه سو حديث ما شاء الله il fait peur pour celui qui le comprend bien. نعم, il fait vraiment peur car il a dit صلى الله عليه وسلم que les fitna, vous connaissez ça, les fitna, نعم, il a dit les fitna, les problèmes, les مشاكل, نعم, سبحان الله العظيم, تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا. Il a dit, les fitnas viennent se mettre comme ça à côté du cœur. On a le cœur à l'intérieur. C'est quoi le cœur? C'est la meilleure chose qu'on a dans le corps. C'est le cœur. La meilleure chose qu'on a dans le corps, c'est le cœur. Qui a dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha sayyid jasad. Le prophète a dit il y a dans le corps un morceau de chair et bien et sain, tout le corps sera bien et sain, et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais, etc. Donc c'est quoi ensuite? Il a dit le cœur. Non, c'est d'après ce qu'il y a dans le cœur qu'il y aura les actions, il y aura les actions qui vont sortir du cœur et se propager. Ici il a dit il y a des fitna qui viennent comme ça, ils se mettent du côté du cœur et qui laissent, subhanallah al-azim, des traces. Il a dit, comme quelqu'un qui dort sur... Ça, ce n'est pas un tapis, disons, c'est un tapis, mais autrefois, les tapis, il y avait... On les faisait, on les tressait. Les tapis, on les tressait. Yani, ils existent même jusqu'à de nos jours des tapis arabes, des tapis arabes qu'on trouve au bled dans les petits villages, etc. Nam, vous voyez à peu près ces tapis. Si jamais quelqu'un, par exemple, dort dessus, il va avoir les marques sur son visage, ou même les marques sur ses mains, etc. Les nattes. Nam, ces tapis-là, nam, quand quelqu'un dort dessus, ça va laisser des marques. Il a dit la même chose. Les fitnas sont là, du côté du cœur, nam, et elles se présentent au cœur. Elles se présentent au cœur. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا. Si le cœur accepte cette fitna, et fitna, il y en a beaucoup. Des fois, une personne a 10 fitnas par jour. Une personne a 100 fitnas par jour. Une personne a 3 fitnas par jour. Et comme ça. Ça dépend où tu es, pourquoi tu es sorti, dans quel endroit tu es allé, avec qui tu t'assois, qu'est-ce que tu vois à la télévision. Ça dépend, des fitnas. D'ailleurs, c'est la plupart du temps, c'est nous qui les cherchons. Al-Muhim, il a dit maintenant la fitna est du côté de ton cœur, très très proche de ton corps. Ton cœur, il a dit, si le cœur la boit, subhanallah al-Azim, elle va lui faire un point noir dans son cœur. Le cœur est blanc. Il y a la foi à l'intérieur, il y a l'iman, mashallah, il est sain. Maintenant, il y a une fitna qui est à côté de lui. Le cœur, au lieu de la rejeter, il l'a accepté. Il a bu la fitna. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui mettre une tache noire dans le cœur. C'est comme si on brûle quelqu'un, par exemple, avec la cigarette. On va lui laisser une marque. Il a dit, il aura une marque. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا. Et tout cœur qui la rejette et ne l'accepte pas, elle va lui mettre quoi? Une tache blanche dans son cœur. Une tache blanche dans son cœur. Il a dit, jusqu'à ce que le cœur devienne blanc, masha'Allah. Blanc, masha'Allah. Et, la tadrou fitna madame tsawat al-ard. Et, aucune fitna ne peut le toucher, billah azzawajal, tant qu'il y a les cieux et la terre. Ou bien sûr, l'autre cœur qui a bu les fitna, qu'est-ce qui va se passer? Va devenir, il a dit, comme un verre renversé. Vous avez un verre, hein? Vous le renversez. Qu'accepte ce cœur? Il ne va plus rien accepter. Tu veux mettre de l'eau à l'intérieur? Tu ne peux pas, il le renverser. Tu veux mettre du jus? Tu ne peux pas. Tu mets du lait? Tu ne peux pas. Il faut d'abord le renverser pour mettre... Maintenant, il est renversé. Subhanallah, rien mettre. Donc, le cœur qui a bu la fitna et les fitna et les a acceptés, il n'accepte plus maintenant, il est renversé. Il n'accepte rien à l'intérieur. Rien de quoi? Rien de la lumière. Naam, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le hadith a dit, il ne connaîtra pas le ma'ruf et il ne connaîtra pas le, les choses prescrites, les choses qui sont bien, les choses qui sont d'Allah. Il ne va plus les reconnaître. Et au contraire, il ne va pas blâmer le condamnable et le mal. Il ne va pas le blâmer. Il va ni prôner le bien, ni blâmer le mal. Pourquoi? Son cœur s'est renversé. À cause de quoi il s'est renversé? Des fitnas qu'il a bu. Il a bu. Et pourquoi il les a bu? Pourquoi il a bu les fitnas? Pourquoi il ne les a pas rejetés? Naam, tu bois la fitna ou tu la rejettes, ton cœur boit la fitna ou la rejette d'après la lumière qu'il a à l'intérieur. Tu le remplis de lumière de la, du Coran et de la Sunna, tu lis les livres, tu écoutes les doros, tu fais la prière surérogatoire, tu fais siyam nafila, tu fais de l'aumône. Chaque chose que tu fais, elle fait des points blancs dans ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne tout blanc. Quand il devient tout blanc, il est tout illuminé. Toute fitna qui vient, il la rejette, il la brûle. C'est comme un feu, un feu. Tu approches quelque chose d'un feu, tu approches un papier du feu. Il est brûlé, il ne peut pas. Non. À chaque fois que tu approches quelque chose du feu, ton cœur devient comme du feu. Tu approches quelque chose, il la brûle. À part la différence, il la brûle avec quoi? Pas avec le feu, mais avec la lumière qu'il a. La lumière nor, nor. Non. Et plus maintenant, la personne fait les ma'asi, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, naam, s'éloigne du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait pas la prière à l'heure, s'assoit beaucoup avec les gens qui parlent dans le vide, voit beaucoup la télévision, écoute la musique, fait de mauvaises fréquentations, à chaque fois on te jette dans ton cœur un point noir, un point noir, un point noir, ensuite, a'udhu billah, si le cœur se renverse, c'est trop tard. S'il se renverse, il ne va plus accepter la vérité, et bien au contraire, il ne va accepter que le mal et les innovations. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur renversé? Tu lui montres comme ça, tu lui dis voilà, ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit Rasoul, il n'accepte pas. Tu lui dis attention, ça c'est ce que n'aime pas Allah, n'aime pas Rasoul. Il le fait. Attention, ne fais pas cette chose, il l'a fait. Attention, fais cette chose, il ne la fait pas. Classe, le cœur renversé. A'udhu billah, naam. La meilleure chose qu'on a, c'est le cœur. Et le jour du jugement dernier, Yom al-Qiyamah, la balance et le signe qui va prouver si tu vas aller au paradis ou en enfer, c'est le cœur, qu'est-ce qu'il contient. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, Yawma la yinfa'u malun wa la banun, le jour où il ne sera utile ni bénéfique, ni argent, ni enfant. Malun wa la banun. Illa man ata Allah bi qalbin salim, sauf celui qui est venu vers Allah avec un cœur sain. Vous avez entendu? Celui qui est venu avec un cœur sain. Naam, il n'a pas dit que yani ira au paradis et sera préservé de l'enfer celui qui viendra avec la salat ou bien la zakat ou bien le hajj. Mais il a dit celui qui viendra avec un cœur sain. Le cœur sain, les ulama ont dit, il comprend deux ou trois choses. Naam. Ou bien il ne comprend pas deux ou trois choses. Il ne comprend pas le shirk, premièrement. Naam. Et il ne comprend pas l'hypocrisie, bien sûr. Il ne comprend pas les bid'a. Il ne comprend pas, il ne contient pas, pardon, il ne contient pas les innovations. Salim. Biqalbin salim. Salim min al-kufr wa al-nifaq. Et salim min al-bid'a. Quant aux fautes, tout le monde fait des fautes. Mais les innovations sont graves. Ce n'est pas n'importe quelle faute, l'innovation. C'est pour ça qu'il faut être très soucieux pour s'évertuer et donner beaucoup de son temps à apprendre le dîn pour ne pas tomber dans les bid'as. Naam, les bid'as des sectes, les bid'as des tablir, les bid'as des ahbash, les bid'as des takfiriyin, les bid'as des khawarij, les bid'as des shi'a, les bid'as des mu'tazila. Et comme ça n'en finit pas, les bid'as. On a tellement. Naam. Donc il faut bien faire attention pour ne pas tomber avec cela, sinon yani la personne viendra yawm al-qiyama avec un cœur qui n'est pas sain. Et alors là, elle trouvera yani, ce qu'elle ne voulait pas attendre. Naam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2961. Alhamdulillah ya Ismaïl que tu as su cela. المهم لو بروفيت صلى الله عليه وسلم قال تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده لو بروفيت عليه الصلاه والسلام قال كوني الله كوني له يعني في sa connaissance كون في الرخاء كون tu es dans comment qu'on appelle ça, tu es dans le raha, quand tu n'es pas, quand tu es à l'aise, naam, quand tu n'es pas dans les problèmes. Connais Allah Ta'ala, quand tu es à l'aise, il te connaîtra quand tu seras dans la difficulté. Vous avez entendu ce hadith, masha'Allah. Connais Allah Ta'ala dans l'aisance. Il te connaîtra quand tu seras dans la difficulté. Naam. Pourquoi on dit cela? Car beaucoup de gens, quand ils sont dans l'aisance, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, mettez le rouge car il y a beaucoup qui viennent nous déranger. Taïb, premièrement, fermez vos PV, inshallah ta'ala. Fermez vos PV, inshallah ta'ala, pour que on vous dérange pas. Et puisque vous voulez le rouge, inshallah ta'ala, je vous donne le rouge. طيب مسلم الحمد لله لا فلا من ستويلا جزاك الله خير مسلم واش توي مسلم طيب دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كاس كيلا دي الى دي تعرف على الله سبحانه وتعالى دونك وا في الرخاء نعم الله سبحانه وتعالى il faudrait le connaître pendant الرخاء. C'est-à-dire quand on est dans l'aisance. Alors, bi'idhn azza wa jal, il quoi? Il te connaîtra quand tu es dans quoi? Quand tu es dans des difficultés, bi'idhn subhanahu wa ta'ala. Car beaucoup de gens, quand ils sont dans l'aisance, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient Allah ta'ala. Beaucoup de gens, quand ils sont dans l'aisance, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'ils ont un problème, il commence à quoi? À lever la main et à faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quand ils sont dans l'aisance, jamais ils ne pensent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit dans son cœur, je me suffis à moi-même, alhamdulillah. Je ne manque de rien, alhamdulillah. Et donc, dès qu'il est dans la difficulté, il commence à lever les mains et faire des doigts et à pleurer, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, pourquoi quand tu étais dans l'aisance, tu m'as oublié? Pourquoi quand tu étais dans l'aisance, tu m'as oublié? Revenir vers Allah Ta'ala dans la difficulté et pleurer et lever les mains n'est pas un signe de la sincérité. Ce n'est pas sûr. Pourquoi? Car les kuffars, Allah Ta'ala a cité dans le Coran que quand ils étaient dans la difficulté et ils voyaient que leur barque ou leur bateau allait sombrer dans la mer, ils commençaient à faire des doigts et lever les mains vers le ciel et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider et de les sauver de la noyade. Subhanallah. Ce sont les kuffars qui ne croient pas en Allah ta'ala et pourtant dans la difficulté, ils reconnaissent cette chose et lèvent les mains et font les doigts. Donc, quand quelqu'un est dans la difficulté et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, en fin de compte, il n'y a pas de différence entre lui et le kafir. Quelle est la différence entre toi et le kafir? Le kafir aussi, quand il est dans les difficultés, il fait des doigts et revient vers Allah. C'est lui qui a cité ça dans le Coran. Mais le signe qui montre la différence, c'est que toi, quand tu es dans l'aisance, tu n'as pas oublié Allah Azza wa Jal. Quand tu es dans l'aisance, tu as fait l'aumône, tu faisais la nafila, tu jeûnais, tu t'éloignais du haram, tu t'asseyais pas avec les gens qui font la bid'a, les gens qui insultent din, les gens qui disent des mots obscènes. De tout cela, tu étais loin pour ravir Allah Ta'ala. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Il est là avec son omniprésence particulière. Avec son omniprésence particulière. Naam, c'est pas seulement l'omniprésence l'amma, mais aussi particulière. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. La hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib. Donc, naam. Je vais ajouter peut-être un hadith. Naam, je vais terminer par celui-là. Inch'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, طيب, muslim, alhamdulillah, n'est pas là. Naam. L'autre, comment il s'appelle, Ibn al-Qayyim, muslim, n'est pas là. طيب. Donc, je vais ajouter Inch'Allah ta'ala ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, naam. Il a dit, تقبلوا لي بست أتقبلكم بالجنة. نعم. Faites-moi six choses. نعم. Garantissez-moi six choses. Je vous garantis le paradis. Garantissez-moi six choses. Je vous garantis le paradis بإذن عز وجل. نعم. Premièrement, إذا حدث أحدكم فلا يكذب. Si jamais un de vous yani, discute ou bien parle avec des gens qui ne mentent pas. Ça, c'est la première condition des six. S'il discute avec les gens, il ne ment pas. Car mentir, c'est l'un des grands péchés, comme vous devez le savoir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَةِ اللَّهِ وَأُولَيْكُمْ. Il a dit, font quoi? Il a dit, mentent, ou la font, le mensonge, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là sont les menteurs. Donc, mentir, c'est un grand péché. Naam. Muslim, écris-moi au numéro 1 quand vous m'entendez. Écris-moi un de temps en temps. Donc, mentir, c'est un grand péché. Sauf, bien sûr, dans les cas où, bi'idna ta'ala, naam, dans les cas où, bi'idna azza wa jal, on est obligé de mentir. Naam. C'est très restreint, mais ça existe ça, yani, dans la charia. Tayyib. Deuxièmement, la deuxième des six choses que, si l'on fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous garantir le paradis. Deuxième chose. Wa ida wa'ada fala yukhlif. Et s'il promet, naam, il ne, comment on dit ça, yani, s'il promet, il tient sa promesse. Deuxièmement, et s'il promet, il tient sa promesse. Naam. Beaucoup de gens, quand il te promet, il sait qu'il ne va pas faire la chose. Ça c'est très grave. Tayyib, akhi, on peut se voir demain, inshallah, à midi, devant la mosquée. Non, tu vas avec moi chez X ou chez Y, ou là tu vas me montrer où j'achète le livre, etc. Naam, demain, inshallah, je viens faire salat al-dhuhr ici, attends-moi. Lui, qui est en train de te parler maintenant, dans son cœur, sait qu'il ne va pas venir demain. Et il sait que même, il doit aller ailleurs, il doit voyager. Il te dit, demain, inshallah, attends-moi à midi. C'est l'un des grands péchés, subhanallah al-azim. Naam. Si je dis à quelqu'un, attends-moi demain à midi devant tel endroit, ensuite il y a un imprévu, ce n'est pas de ma faute. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Je ne l'ai pas fait exprès. Je t'ai donné rendez-vous à midi à tel endroit. À midi moins quart, il s'est passé quelque chose à la maison de plus grave et je ne peux pas venir au rendez-vous, après je te dis excuse-moi. Naam. Et maintenant, alhamdoulillah, il y a les moyens, il y a le portable, subhanallah al-azim. Le portable, tout le monde a le portable, subhanallah al-azim maintenant. Tu peux vite téléphoner et dire je m'excuse pour le rendez-vous, ce n'est pas la peine de m'attendre. Il s'est passé ceci et cela. Naam. Yani, se désengager avant le rendez-vous est beaucoup mieux que de le faire après. C'est beaucoup mieux que de le faire quoi? Après que la personne ait attendu 1 heure et 2 heures, tu téléphones et tu dis je m'excuse. De toute façon, si tu le fais 1 heure après ou 2 heures, c'est mieux que de ne pas le faire du tout. Mieux que de ne pas téléphoner du tout alors que tu pouvais téléphoner. Et tu laisses la personne comme ça attendre 2-3 heures, elle va rater aussi d'autres choses et elle va s'énerver contre toi, elle va dire celle-là c'est une menteuse, etc. Non. Alors tu aurais pu juste téléphoner et te désengager bi'idhn azzawajal, si toutefois bien sûr tu avais des excuses. Si toutefois tu avais des excuses. Celui qui n'a pas d'excuses doit aller à ce rendez-vous car il a promis. Et l'une des conditions de rentrer au paradis, c'est de tenir quoi? La promesse. Troisièmement, quelle est la troisième condition? Naam, il a dit وَإِذَا أْتُمِنَا فَلَا يَخُنْ وَإِذَا أْتُمِنَا فَلَا يَخُنْ. Si quelqu'un te laisse quelque chose en dépôt chez toi, amana, tu ne voles pas la amana. Tu ne voles pas la amana. Certains gens, Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, tu leur laisses la amana, quand tu reviens, ils vont te dire on l'a perdu. Alors que ils l'ont vendu et ils ont mangé son argent. Ou alors on va te dire on nous l'a volé. Alors que il l'a vendu ou là il l'a loué ou là je ne sais pas quoi. Naam. Salamu alaykum wa rahmatullah. Celui qui m'a envoyé le message pour m'avertir, barakallahu fi. Car vraiment je n'avais pas remarqué. Vous parliez de la amana, naam. J'ai dit que certains gens, naam, certains gens qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois tu leur laisses une amana chez eux, ils peuvent la manger si ça se mange et la vendre si ça se vend ou la donner si ça se donne sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que pour rentrer au paradis, l'une des quoi, des conditions, c'est de rendre la amana et de la préserver et de la garder, la sauvegarder. Naam. Je disais que, mais ce qu'il faut savoir, deux choses, ici je vais ajouter deux choses dans la amana, pour les apprendre, elles peuvent vous aider. La première des choses, c'est que si jamais quelqu'un me laisse une amana, ensuite elle se perd d'elle-même, c'est pas moi qui ai été la cause. Naam. Je donne un exemple. Quelqu'un m'a dit, je pars en voyage, je te laisse la voiture dans ton garage. Dans ton garage, j'ai peur qu'on me vole ma voiture. Et j'accepte, je la laisse dans mon garage. Ensuite, قدر الله ما شاء فعل, il y a eu un feu et la voiture s'est brûlée. Quand il revient, Muslim, alhamdulillah, c'est toi qui vas répondre à la place des autres. Quand la personne revient, elle me dit, je suis venu prendre la voiture. Je lui dis, naam, mais قدر الله ما شاء فعل, attends que je t'explique, voilà ce qui s'est passé. Et ta voiture s'est brûlée et yani, ma maison, la moitié de la maison s'est brûlée. Est-ce que ici, d'après toi, musulman, c'est pas d'après l'islam, d'après toi, est-ce que je dois lui rembourser la voiture ou je ne dois pas? J'attends ta réponse. Tu représentes les 160 qui sont dans la salle. Tfadlal. Naam, d'après moi, non. Naam, jazakallahu khairan. Et c'est la vraie réponse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pas seulement que c'est mektoub. Non. Il peut te dire, paye-moi, ça rentre aussi dans le mektoub. Il peut te dire, naam, rembourse-moi, le fait de me rembourser, ça rentre aussi dans le mektoub. Allah a écrit que tu me rembourses. Naam, donc la vraie réponse, c'est je ne rembourse pas, comme j'ai dit, à condition que je n'ai pas été la cause, c'est pas moi qui l'ai brûlé, et ce n'est pas moi qui ai mis, j'ai mis du feu devant la voiture, hein. Si je vais faire le barbecue, hein, barbecue, je vais, devant la voiture, juste devant la voiture, je vais faire allumer un feu pour manger, ensuite la voiture prend feu. Là, je dois rembourser. C'est moi le fautif. Pourquoi j'ai mis du feu devant la voiture? Mais là, je dis que c'est pas de ma faute. Elle-même, il y a une étincelle, moi-même, elle s'est brûlée. Je ne paye pas, je ne rembourse pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est bien simple. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ma ala al-muhsinina min sabil. Ma ala al-muhsinina min sabil. Les bienfaisants, na'am, n'ont rien, yani, contre eux, ou là, ne sont pas fautifs, ou là, quelque chose comme ça. Les bienfaisants, on ne peut pas, yani, dites-moi, dites-moi, cette personne qui a gardé la voiture est une bienfaisante ou pas? C'est une bienfaisante. Est-ce que moi je suis obligé de te garder ta voiture? Je ne te la garde pas. Tu n'es ni mon père, ni ma mère, ni mon frère. Pourquoi je te garde ta voiture? Bon, tu veux que je la garde? D'accord? Tu me donnes 100 euros par mois, 200 euros par mois. Je ne suis pas obligé de te la garder. J'ai fait une chose, fi sabilillah. Alors dans ce cas, je ne suis plus obligé de quoi? De la rembourser. Ça, c'est la première, le premier intérêt que je voulais vous donner. Le deuxième intérêt que je voulais vous donner, c'est quoi? C'est que, imagine que quelqu'un te laisse, par exemple, une somme d'argent. Disons, il te laisse 10 000 euros. Non, il te laisse 10 000 euros. Et, par exemple, la qadar Allah, un voleur est venu, il les a pris la nuit. Non. Donc, quand il revient, je lui rembourse pas. Sauf si je suis fautif, j'ai laissé la porte ouverte, j'ai laissé le tiroir ouvert, etc. Ça, je dois rembourser. Mais imaginez maintenant que il m'a laissé 10 000 euros et je me suis dit, puisque il va rester une année pour revenir, je vais utiliser ces 10 000 euros. Je vais faire un petit commerce, acheter des choses et les vendre. Inch'Allah ta'ala, je les rends. Ou bien, j'ai une chose très importante à acheter et je n'ai pas encore eu ma paye. Je vais acheter cette chose avant qu'on la vende et d'ici la fin du mois, je lui rends son argent. Il n'est pas encore venu. Il ne saura même pas. Il ne saura même pas que j'ai utilisé cet argent et je l'ai rendu. Dans ce cas, si l'argent se perd ou se vole, tu es obligé de lui rembourser. Pourquoi? Parce que tu as touché à cet argent et tu n'as pas le droit. Ça s'appelle en arabe, on dit l'yed ici n'est plus yed amana. Naam, ici, tu as été kha'in. Tu n'as pas le droit de toucher cet argent sans quoi? Sans qu'il le sache. Tu n'as pas le droit. Et alors, puisque tu as touché à ça, alors tu dois le rembourser même si lui, il ne sait pas. Si tu es vraiment pieux, tu as peur d'Allah Ta'ala, il ne sait pas que tu as touché à cet argent, ça? Quand il vient, tu lui dis, voilà, c'est 10 000 euros. Mais si tu es impieux, puisque tu as touché et on les a volés, donc tu dois lui rembourser son argent. Vous savez donc la voie et la différence entre celui qui te laisse une amana, tu la touches pas, et celui qui la touche ou l'utilise, si jamais elle se perd, il est obligé de la rembourser. Naam. Il y a une question qui peut aussi rappeler celle-là. Quelqu'un te prête un livre. Elle te prête sa voiture. Beaucoup de gens, hein, il dit puisqu'il m'a prêté ce livre, il y a une autre personne qui va te dire prête-le-moi. Tu le lui prêtes. Tu dis puisque l'autre me l'a prêté, moi aussi je le prête. En islam, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il te l'a prêté à toi et non pas à une autre personne. Il t'a prêté sa voiture à toi et non pas à ton frère, ni à ton père, ni à ton cousin. À toi seulement. D'ailleurs, s'il savait que tu allais la donner à son cousin ou à ton père, il n'aurait pas accepté. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou a dit, sauf dans le cas où tu sais que cette personne, si elle savait cela, elle accepterait. Non? Des fois, tu as certains amis, tu sais que cet ami est un ami intime et que de ses habitudes, tellement tu le connais, que si tu donnes une chose, tu prêtes ce qu'il t'a prêté sans son avis, tu sais qu'il accepte. Dans ce cas, tu peux donner. Parce que il n'y a pas de problème. Tu sais qu'il ne va pas y avoir ni problème ni fitna. Car tu connais bien et tu sais que ce n'est pas le jour qui parle. Et cinquièmement, qu'est-ce qu'il reste? Quatrièmement, la quatrième condition pour aller au paradis, ruddu absarakum. Ruddu absarakum. Rabaissez vos regards. C'est-à-dire, ne voyez pas le haram. Naam, ne voyez pas le haram. Les yeux que tu utilises dans le haram sont en train de yani, t'attirer des quoi? Des siyyats. Il t'attire quoi? Des siyyats. Tu es en train de remplir ton carnet avec quoi? Avec ce qu'on appelle, comment on dit en français, siyya? Les péchés. Naam, tu es en train de remplir ton carnet avec les péchés. Ensuite, les yeux qu'Allah Ta'ala t'a donné ne t'appartiennent pas. Ne t'appartiennent pas. C'est une amana, puisqu'on parle de amana. C'est une amana qu'Allah Ta'ala a laissé chez toi. Il a laissé tout ce corps. Tout ce corps, il est amana chez toi. Les yeux, c'est une amana. Tu ne vois avec les yeux que le halal. La bouche, c'est une amana. Tu ne dois dire avec ta langue que ce qui plaît à Allah Ta'ala. Ton ventre, c'est une amana. Tu ne dois faire entrer dans ton ventre que ce qui est halal. Tes pieds, c'est une amana d'Allah Ta'ala. Tu ne peux pas aller avec tes pieds où tu veux. Naam, tes mains, tu ne peux pas prendre avec tes mains ce que tu veux. Naam. Et c'est pour ça qu'il a dit, juste après cela un peu, il a dit وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Ton membre, le membre qu'on a entre les jambes, c'est une grande amana. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux toi. Tu as des tentations, tu fais avec ce que tu veux. Non, tu te maries, c'est tout. Tu te maries. Sans le mariage, tu ne peux pas utiliser cette amana qu'Allah Ta'ala nous a donnée. C'est pour ça qu'il y a un chanteur, je dis Allah Yahdih, c'est un Algérien. Je crois qu'il est mort, si je n'ai pas oublié. Hein? Il a une chanson très très très très connue en Algérie. Elle s'appelle en arabe Nafsi wa ana moulaha. Nafsi wa ana moulaha. Mon nefs et c'est moi son patron. Mon âme et c'est moi son patron. Alors que ce n'est pas vrai. Cette âme appartient à Allah Ta'ala. Tu devrais dire Nafsi, mon nefs, et c'est une amana d'Allah. Je ne suis pas son patron. C'est pas toi son patron. Toi, elle est chez toi comme amana. La preuve, demain, Allah Ta'ala va envoyer Malik al-Maut pour qu'il la prenne. Demain, Allah Ta'ala va envoyer l'ange de la mort pour qu'il la prenne. Pourquoi il la prend? Parce que c'est une amana, c'est un dépôt chez toi. Si elle t'appartenait, tu la rendrais pas. Si ce n'était pas une amana et une chose qui t'appartient. Alors pourquoi tu la rends à Allah quand ta vie se termine? Alors garde-la chez toi si tu peux. Comme a dit Allah Ta'ala, tarudduna in kuntum sadiqin. Mais tu ne peux pas, c'est une amana, il faut qu'il la prenne. Alors tu sais, c'est une amana. Tu dois bien garder la amana. Car demain, Allah Ta'ala va te poser des questions. Qu'as-tu fait avec tes yeux? Qu'as-tu fait avec tes mains? Qu'as-tu fait avec tes pieds? Qu'as-tu entendu avec tes oreilles? Et ceci et cela. Ce qui est très très très très très très très décevant, c'est que des frères, soi-disant frères, et des sœurs, soi-disant sœurs, allument la télévision et voient des choses qui sont vraiment haram. Je ne dis pas voient seulement des films, mais des choses vraiment vraiment que j'aimerais pas dire ici. Non, il y a même des couples qui font cela exprès. Naam, il dit, c'est juste pour m'inciter à faire cette chose et m'exciter, etc. Et je vois ces choses et il voit avec sa femme. A'oudou billah. Naam, il n'est même pas jaloux. Il n'est même pas jaloux. Il dit, comment ma femme va voir aussi l'homme tout nu devant elle. Et elle n'est pas jalouse. Elle ne dit pas comment mon mari est en train de voir cette femme en train de faire la chose. Et ensuite, les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux? Non. Les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, bien sûr, faire ce que fait l'homme avec la femme, mais la femme ne va plus penser à son mari en faisant cette chose, mais à celui qu'elle a vu dans la vidéo, à l'homme qu'elle a vu. Et l'homme, non, ne va plus penser à sa femme, mais il a l'image de celle qu'il a vue entre ses yeux. Subhanallah al-Azim. Allah al-Musta'an, a'oudou billah min shaitan rajim. Et il te dit, je suis un frère, et l'autre elle te dit, je suis une sœur. Et il y a un dars ce soir, je vais entendre le dars. A'oudou billah min shaitan rajim. Naam, a'oudou billah min shaitan rajim. Allah subhanahu wa ta'ala n'yu'afiyana. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que quoi? Qu'il nous préserve. Que ceux et celles qui ont fait cette faute, je leur dis qu'Allah Ta'ala est pardonneur. Je ne dis pas les portes sont fermées. Je ne ferme pas des portes que Allah Ta'ala a ouvertes, a ouvertes. Naam, les portes sont grandes ouvertes. Mais seulement celui qui meurt avant de faire la tauba, et on ne sait pas quand on va mourir, celui-là, il rencontrera Allah Ta'ala vraiment courroucé contre lui. Naam, Allah Ta'ala t'a donné cette grande ni'ma, les yeux, pour contempler les cieux et les nuages et les montagnes et dire Allahu Akbar, et dire Subhanallah, Subhanallah, ma khalaqta hadha batilan subhanak, faqina adhab an-nar. Alors que celui-là, il est allé les utiliser dans les choses qui courroucent Allah subhanahu azza wa jal. Ensuite, il a dit wa kuffu aydiyakum, la cinquième condition, wa kuffu aydiyakum, et ne tendez pas vos mains vers les choses qui sont interdites. Ne va pas avec ta main, par exemple, jouer au dé. Jouer au dé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque met sa main sur le dé, naam, c'est comme si, quoi, il a mis sa main dans le porc, le sang du porc et sa viande. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani. Et dans un autre hadith, il a dit quiconque joue avec les dés, faqad asa Allah wa rasulahu. Il a désobéi à Allah Ta'ala et à son prophète. Subhanallah al-Azim. Il t'a donné une main, c'est une amana. Tu ne fais pas avec ta main ce que tu veux toi. Naam, pourquoi? C'est une amana. Tout ton corps est une amana. Naam. Et d'autres vont faire avec leurs mains de sorte que, à ce qu'ils arrivent au plaisir. Naam. D'autres, avec leurs mains, font pour arriver au plaisir. Ceux-là aussi demain vont rencontrer Allah Ta'ala courroucé d'eux. Allah Ta'ala t'a dit, si tu as des tentations, marie-toi. Si tu dis je peux pas me marier, la dot est chère et il n'y a pas de sœur. Elles ne veulent pas se marier. Elles cherchent le mannequin. Elles cherchent l'homme qui est mannequin et qui soit le plus riche du monde. On lui dit d'accord, tu ne peux pas. Alors fais le jeûne, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais le jeûne. Jeûne beaucoup. Mais tu ne vas pas voir les choses obscènes. Ensuite tu t'excites. Ensuite tu dis je ne peux plus me retenir. Et tu vas faire des choses avec ta main. Naam. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment désolant, c'est qu'il y a des gens mariés qui font cette chose. Naam. C'est-à-dire, l'homme marié, naam, au lieu de faire le halal avec sa femme, il fait le haram avec sa main. A'udhu billahi min shaitan rajim. Subhanallah al-azim. Istabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Allah Ta'ala t'a donné une femme spécialement pour cette chose. Et lui, naam, il s'est habitué en regardant ce que font les kuffars. Les kuffars, jusqu'à ce qu'il a pris cette chose, cette mauvaise chose d'eux, et maintenant il ne peut plus la quitter, il ne peut plus s'éloigner d'elle, de cette mauvaise habitude. Naam, au point où sa femme ne lui dit rien. Il préfère avec sa main qu'avec sa femme. Classe, celui-là, a'oudhu billah, s'il meurt et ne fait pas la tauba, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala courroucé de lui. S'il meurt et ne fait pas la tauba, il laisse le halal que Allah ta'ala lui a donné et il va vers le haram. Subhanallah al-azim. Il y a des gens qui ont fait tout leur possible pour se marier, n'ont pas pu. Et toi, Allah ta'ala t'a donné ta femme, naam, elle est là, elle s'est maquillée, elle s'est préparée et tu vas faire le haram tout seul dans la salle de bain. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Celui-là vraiment, il a un cœur scellé. Celui-là vraiment, c'est le signe, maintenant c'est le signe qu'Allah ta'ala, s'il meurt, il va le rentrer en enfer. C'est un signe. Regardez le signe maintenant. Il est très apparent. Il laisse le halal, il va vers le haram. Subhanallah al-Azim. Il n'est pas reconnaissant envers Allah ta'ala du bienfait qu'il lui a donné. Et sixièmement, il a dit, c'est la dernière, وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. La sixième chose, si vous la faites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est garanti qu'il va te faire rentrer au paradis. Il t'a garanti. C'est lui qui va parler à Allah, c'est pas toi. Il lui dit, ya Allah, fais rentrer cette personne au paradis. Les six conditions, elles ont été remplies. C'est quoi? préserve ta chasteté. Wahfadu furujakum. Préserve ta chasteté. Naam. Ce que Allah Ta'ala a donné à l'homme et à la femme entre les jambes, ou bien avec cette chose, tu vas avoir des hasanat, ou bien des récompenses, ou bien avec cette chose, tu vas rentrer en enfer. C'est la chose la plus importante qui fait rentrer en enfer. C'est la chose qui est la plus encline à faire rentrer en enfer. Naam. Si cette chose, tu l'utilises avec le halal, et le halal, c'est seulement ta femme. Et avant de faire la chose, tu dis Bismillah. Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Subhanallah al-Azim. Tu es en train de faire cette chose et les anges sont en train de t'écrire les hasanat, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se sont étonnés. Ya Rasulallah, comment l'un de nous fait rentrer cette chose dans l'autre côté de sa femme et a des récompenses? C'est étonnant. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu, auriez-vous vu s'il avait fait rentrer cette chose dans le haram avec une zaniya? S'il avait fait rentrer cette chose par exemple avec une femme, avait fait la zina, d'après vous, aurait-il des siyyat, des péchés? Ils ont dit oui ya Rasulallah, c'est sûr, subhanallah, il va avoir des péchés. Il a dit la même chose, puisque quand il met cette chose dans le haram, il a des péchés, donc s'il la met dans le halal, il a des récompenses. Subhanallah l'azim. L'islam, masha'Allah, l'islam, la beauté de l'islam. Tu fais ça avec ta femme et les hasanats sont en train d'écrire. Subhanallah l'azim. Allah Ta'ala, une grande rahma, une grande rahma. Premièrement, tu préserves ta chasteté, les choses en toi. Naam. Et troisièmement, tu as des hasanats. Subhanallah l'azim. Naam. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Il est presque minuit, bidna azza wa jal. On va, inshallah ta'ala, commencer les questions-réponses dans 2 minutes, inshallah ta'ala. Muslim, alhamdulillah, mets le mandouma de tout à l'heure. Naam, mets le mandouma, inshallah ta'ala, le temps que je revienne. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim, où est-ce que tu es, pardon. Muslim, alhamdulillah. Inch'Allah, tfadla, on commence la première question. Bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. Et je demanderai, bi'idna azzawajal, que chaque question, inch'Allah ta'ala, ait rapport avec le cours. Vous connaissez maintenant les habitudes. Inch'Allah ta'ala, les questions qui n'ont pas rapport avec le cœur, le cours. Et le cœur aussi, parce qu'on a parlé de cœur. Naam. Elles vont venir, inch'Allah ta'ala, le jeudi, le vendredi, dans les questions libres. Inch'Allah ta'ala. Barbahari, hayak Allah, tafadzal. Muslim, si tu veux, tu lis, inch'Allah ta'ala, la question. As-tu le micro, Muslim? Écrit numéro 1. Hal ladayka al-laqit? Naam. Iqra, inch'Allah, iqra. Tayyib. Namour, inshallah ta'ala, il a Mohamed 0504. Peut-être le barbari ne peut pas écrire ou là il a quelque chose. Mohamed 0504. Fadal. Afouen, j'étais en stéréo mix. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que el wasila da'awat? Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahu wa barakatuh. Mohamed 0504. Je n'ai pas compris la question. Naam. Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que al-wasila da'awat? Naam. Moi d'abord je te pose la question. C'est quoi? Tu m'expliques qu'est-ce que c'est al-wasila da'awat, je t'explique. Naam. Moi le premier, je n'ai pas compris cette question. Tayyib, je te donne inchallah ta'ala quelques secondes pour reformuler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'attends, inshallah ta'ala, ta réponse. Non, c'est pas ça. Le mot Hada, où l'as-tu trouvé? Dans quelle phrase? C'est la première fois que j'en entends parler. Dans le livre Suhaimi, Minhaj Salaf Da'wallah. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je veux dire, c'est dans quel contexte est venu ce mot. Al-Wasila Da'awat. C'est quoi Al-Wasila Da'awat? C'est la première fois que j'entends parler. De la da'wa. Ah, wasa'il da'wa peut-être. Wasa'il da'wa. Non, peut-être. Contexte de la da'wa. Ah, dans le contexte de la da'wa. Tayyib, l'wasila, je te dis moi en général, parce que je n'ai pas la phrase complète. L'wasila, ici, il veut dire, disons, le moyen. Naam. Les moyens de la da'wa. Voici la da'awat. Quel est le moyen de ces da'awat? Da'awat, tu sais que ça veut dire da'wa. Da'wa ila tawhid, da'wa, da'wat tabligh, da'wat salaf, da'wat. Naam. Ces da'awat, qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen? Naam. Les wasa'il les da'wa. Naam. Naam, les da'wa. Sah. Pour le prêche et la prédiction. Naam. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen? Naam. Quels sont les moyens qu'ils utilisent? Naam. Donc il est en train de parler de leurs moyens. Sûrement pour dire que dans l'islam, Minhaj Salaf, on emploie la wasila, naam, le moyen qui a été cité dans le Coran et la Sunna. On n'emploie pas comme, par exemple, les frères musulmans qui emploient dans leur da'wa, qu'est-ce qu'ils ont? Ils emploient par exemple le théâtre. Ils disent, avec le théâtre, on fait des pièces de théâtre pour attirer les gens vers l'islam. On fait les gens rire, etc. Et alhamdoulilah, on a fait la da'wa, on attire les gens. Nous, on dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, naam, a interdit le fait de jouer un rôle. On ne joue pas de rôle, naam, comme certains vont jouer le rôle des sahaba. Dans les films, on va jouer le rôle de qui? Des sahaba. Je parle des musulmans, car les kuffars ont même joué le rôle des qui? Le rôle des messagers. Et vous savez sûrement qu'il y a un film sur Isa alayhi salam, Jésus, Isa alayhi salam, où on le montre dans le film qu'il fait la zina, etc. Ce sont les kuffars qui ont fait ce film. Et il s'appelle Les Tentations de Jésus. A'udhu billah, a'udhu billah. Quel sera leur châtiment demain? Ceux-là, quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui ont monté sur Jésus et dit qu'il avait des tentations, et le montre au cinéma en train de faire des choses, et la zina, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. En islam, quand on veut faire le prêche, on veut faire la da'wa, on l'a fait avec les moyens légiférés. Ce n'est pas avec les bid'a et les innovations qu'on fait les tablir, etc. Non, mais c'est avec la sunna qu'on fait la da'wa, la sunna, et non pas avec la bid'ah. On a posé une question à Cheikh l'Islam. On a posé une question à Cheikh l'Islam. Naam, car pour eux, la fin justifie les moyens. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. On a posé une question à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On lui a dit, il y a quelqu'un qui est, on a quelqu'un dans le quartier où on habite, etc., qui, mashallah, a attiré beaucoup de gens. Beaucoup de gens était dans la dérive, il les a attirés, masha'Allah, mais yani, ils ne se basent pas sur le Coran et la Sunna. Mais ils ont commencé la prière, ils ont délaissé l'alcool, les femmes, masha'Allah. Est-ce que c'est bien? Il a dit non. Celui-là, ce qu'il a fait, c'est faux et sa da'wa ne sera pas bénie. Car il ne s'est pas basé sur le Coran et la Sunna pour attirer les gens. Mais c'est basé sur quelque chose de faux pour attirer les gens. Naam. حياك الله تفضل ان شاء الله الاخ الكريم محمد 0504 ان شاء الله تعالى انا تيرمينا avec lui on passe à Salama 57 تفضل ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله الشيخ concernant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala n'a pas créé une maladie sans son remède, peut-on considérer que ce remède est entre guillemets habba sauda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith sur Habba Saouda qu'elle guérit tout sauf la mort? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، il faudrait نعم quand on lit un hadith ou bien un verset aussi, il faudrait يعني que l'on on le comprenne, ce n'est pas d'après nous mais d'après ce que Allah Ta'ala veut de ce veut de son verset et le prophète de ce, de son hadith sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Regardez. Ici, quand il dit Habba Souda guérit de tout, qu'est-ce que ça veut dire de tout? Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a mal à la tête, il prend Habba Souda, il prend Habba Souda, ou bien qui a le sida, il prend Habba Souda? Mais veut dire que guérit de toute maladie qui se fait guérir par Habba Souda. Allah Ta'ala, quand il a dit dans le Coran, en parlant de Belqis, parlant de la femme Belqis, vous connaissez son histoire avec Suleyman alayhi salam, quand Allah Ta'ala a dit, attendez, je me rappelle le verset, inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. C'est l'oiseau qui a dit, le Hudhud, il a dit, j'ai trouvé une femme tamlikuhum, qui les commande, c'est elle la reine. Et elle a tout, kulshi, en arabe. Et elle avait de tout. Est-ce qu'elle avait de tout? Ça veut dire qu'elle avait yani, les étoiles, les cieux, les soleils, elle avait tout, les montagnes. Non, non, non. Elle avait tout ce que un roi et une reine peuvent avoir. Elle avait de tout. C'est-à-dire de ce que un roi et une reine peuvent avoir. La même chose quand Allah Ta'ala a parlé du vent qu'il a envoyé pour détruire, il a dit tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Tudammir, elle détruit toute chose bi amri rabbiha, avec l'ordre d'Allah. Elle détruit toute chose. Il a dit toute chose. Est-ce qu'elle a détruit les cieux, cette vent? Est-ce qu'elle a détruit les arbres et les maisons qui étaient de l'autre côté de la terre, pas dans la ville où il l'a envoyé? Non. Et pourtant il a employé le mot tout. Elle détruit tout. Mais ça veut dire elle détruit tout ce qui est détruisable. Les maisons, etc. Elle les a détruites. Elle détruit les choses qui sont détruisables. Comme le Habba Souda. C'est un shifa, médicament de tout. De tout qui se guérit par elle. C'est pour ça que vous pouvez essayer Habba Souda sur des choses. Je vous donne un autre exemple. Quand Allah Ta'ala, le prophète alayhi salam, en parlant du miel, il a dit fihi shifa min kulli da. Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit wa nunzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. En parlant de l'asal, il a dit fihi shifa'un lin nas. Fihi shifa'un lin nas. Pourtant, le Coran a dit que le miel contient la guérison. Il a dit fihi shifa'un lin nas. Et moi, je vous dirai que il y a certains gens, s'ils vont prendre le miel, il va leur faire mal. Alors que Allah Ta'ala, il a dit, il guérit. Ça veut dire, il guérit celui dont yani, le miel le guérit. Le miel, il a certaines maladies, il est guéri. Si cette personne a cette maladie, le miel va la guérir. Mais si je vais donner, par exemple, à un enfant une dose plus importante, grande, de miel, il risque de tomber malade. Il risque de tomber malade. Ou bien je vais la donner à quelqu'un qui a la maladie, par exemple, qui a le diabète, lui donner le quoi? Le miel. Il va tomber malade. Et comme ça. C'est comme ça qu'on doit, bi'idhni azza wa jal, comprendre les textes. Les textes. Naam, donc, Belqis a été déconnectée, elle était avant Isa 83. Je ne vois pas Isa 83. Frère 13. Muslim, c'est le tour de Belqis. Je ne savais pas que c'était son tour. Parce que moi, j'ai frère 13. Et Isa, je ne l'ai pas devant ma liste. Donc, Inch'Allah Ta'ala, après. Maintenant, après frère 13, c'est elle. Tafadla, Inch'Allah, frère 13. Frère 13, Hayakallah. Frère de Marseille, tafadla. Wainrak, Courbelzens. Tu es parti à la Courbelzens. Où es-tu, tafadla? Non, il est allé acheter du miel. Il est allé acheter du miel. On passe à Abu Daoud Walyes. Abu Daoud Walyes. Le temps que frère 13 fasse quelque chose. Tfadal. Abu Daoud Walyes. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez pour vos cours. Est-il permis de jouer à un jeu de société destiné à apprendre en utilisant un dé pour avancer le pion? Et si cela n'est pas permis, pouvez-vous me donner une méthode pour pouvoir jouer sans utiliser le dé? Barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque met la main sur le dé joue avec les dés. C'est comme s'il a mis la main dans le sang et la viande du porc. Du porc, et le hadith se trouve dans Sahih al-Jama' du Sheikh al-Albani, rahimahullah. Dans un autre hadith, il a dit, toujours dans Sahih al-Jama', il a dit, quiconque joue avec les dés a désobéi à Allah et à son prophète. Donc, inch'Allah ta'ala, le dé, tu t'en éloignes. Et pour avancer le pion, naam, je ne sais pas comment tu peux, par exemple, écrire naam, le dé, combien il contient? Six, il contient six chiffres. Naam, tu écris six chiffres et sur du papier, chaque chiffre sur un papier, tu mélanges comme ça avec tes mains et tu prends un papier. Tu prends un papier. Si c'est le 3, tu l'avances de 3. Si c'est le 5, tu l'avances de 5. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Car je suis là pour vous apprendre la science et non pas vous apprendre comment jouer. Tfadhal, inshallah. Belkis, où est-ce qu'elle est la sœur Belkis qui avait le problème? Où est-ce qu'elle est? Assalamu alaikum. Lorsque vous dites que si l'on commet un grand péché, il ne faut le dire à personne. Alors prenons l'exemple d'un homme qui trompe sa femme, entre parenthèses, qui commet l'adultère. De nos jours, il y a certaines maladies comme le sida et qui sont très graves. Et j'ai entendu qu'un homme a trompé sa femme et il a attrapé le sida et il l'a transmis à son épouse. Que faire? Il me semble que l'adultère concerne deux personnes, celui qui l'a fait et l'autre qui l'a subi. Entre parenthèses, il n'existe pas que le sida, il y a beaucoup d'autres maladies. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque de vous, le hadith est dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, quiconque de vous fait une de ces saletés, en parlant de cela et des grands péchés, qu'il se cache et qu'il ne le nous dise pas et qu'il fasse la tawba entre lui et Allah. Et quiconque nous montre ce qu'il a fait, je vais appliquer le jugement d'Allah sur lui. Regardez la beauté de l'islam. L'islam sait que tu te trompes, mais il te dit, si tu te trompes, ne te découvre pas. C'est pas la peine d'aller au gouverneur et lui dire fouette-moi ou la flagelle-moi ou la lapide-moi. Mais tant qu'il ne sait pas, lui, le gouverneur, alors fais la tawba entre toi et Allah. Allah Ta'ala veut te cacher, tu t'es trompé, fais la tawba, il te cachera. Dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie, alhamdoulilah, tu seras préservé. Les gens ne vont pas dire, hier, on a fouetté X, il a fait la zina. Naam, alhamdoulilah, Allah Ta'ala veut te cacher dans cette vie et dans l'au-delà. Si bien sûr, tu es sincère et tu fais la tawba. Naam. Mais, maintenant, si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, l'afiya, a fait la zina, naam, j'ai dit seulement qu'il n'allait pas vers le gouverneur. Mais je n'ai pas dit que il ne doit pas dire à sa femme qu'il a le sida. S'il attrape le sida et il dit pas à sa femme, naam, et ensuite sa femme tombera malade et à 90% elle mourra avec le sida. Tout le monde sait que maintenant celui qui a le sida, il prend une place à l'hôpital et il attend. Il attend qu'il meure, c'est tout. Ça veut dire ensuite elle va mourir, c'est lui qui l'a tué. C'est un criminel. Naam, c'est un criminel. Il a tué sa femme car il lui a donné un poison. Il n'y a pas de différence. Tu lui donnes le sida ou tu lui donnes un poison dans un verre de jus. Tu lui remplis le verre de jus, tu lui donnes le poison à l'intérieur. Il n'y a pas de différence entre lui donner le ou s'accoupler avec elle. Naam. Il faut dire attention, j'ai fait une grande faute. Naam, j'ai le sida, je ne peux plus t'approcher. Appelle ton père, on va divorcer. Sauf si elle dit, j'accepte de vivre avec toi et à condition que tu ne me touches pas. Naam. si elle veut, elle est libre. Sinon, elle peut demander de se séparer de lui à cause de sa maladie est vraiment grave et contagieuse. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais du gouverneur, c'est tout. Mais c'est dans ce cas, il doit dire à sa femme. Il doit dire, sauf s'il veut ne pas lui dire et faire autre chose. Quoi? Il la divorce directement. Naam. Il lui dit, maintenant j'ai beaucoup de problèmes. Il n'est pas obligé de dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai beaucoup de problèmes, je ne peux plus. Naam. Je ne peux plus yani, faire les responsabilités que j'ai. Je me vois très faible, etc. Ça me dépasse. Il vaut mieux qu'on se sépare et que chacun refasse sa vie. Naam. Il n'est pas obligé de dire, j'ai fait la zina et j'ai le sida. Wallahu azza wa jal a'lam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Naam. C'est à qui le tour, inshallah? Dites-le moi. C'est à qui le tour? Frère 13, tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pour le cours arabe algérien, quand est-ce qu'ils auront lieu, inshallah? Quel est le premier des prophètes ou messagers, est-ce Adam alayhi salam ou Nuh alayhi salam? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les cours d'arabe algérien, c'est vous. Lorsque vous êtes prêt, vous dites on est prêt. Naam. Et vous ramenez les vieilles et les vieux qui ne comprennent que l'arabe dialectique. Naam. Qui ne comprennent pas le français ou l'arabe littéraire. Et moi, je parle avec eux avec arabe dialectique comme l'arabe que je parle quand je suis chez moi en Algérie. Naam. Tu es prêt, frère 13? Je commence maintenant? Je commence classe? Allez, bismillah. Elle est là, la vieille Jidda, elle est là, et Yemma, elle est là. On commence. Non. Quand j'ai dit on commence, par là, c'est-à-dire d'ici demain. Fahim? Attends-moi, inshallah, ta'ala, après le cours pour se donner rendez-vous, bi'idnillahi, azza wa jal. Non. Comme j'ai dit aussi la fois passée, je le redis pour les frères et les sœurs qui veulent faire quelque chose, fi sabillah. Pour rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala avec, yani, pas avec les mains vides. Naam, vous savez qu'en France, surtout en France, yani, subhanallah al-azim, beaucoup les gens sont loin, beaucoup. Je ne parle pas des kuffars, je parle des musulmans qui sont dans le tablir, qui sont dans l'ahbash, qui sont dans le takfir, qui sont, a'oudhu billah. Ceux-là, au lieu que de laisser ces sectes les prendre, c'est vous qui devez les attirer vers vous pour que vous les sauviez dans cette vie des innovations et dans l'autre vie de l'enfer. J'ai dit et je redis, s'il y a des sœurs ou des frères qui ont par exemple de l'espace dans la maison et il lui suffit juste d'avoir un PC, c'est tout, et il fait de sorte que il groupe 5 ou 6, pas plus. Et il leur donne rendez-vous, et moi je lui donne rendez-vous. Par exemple, une fois tous les mois, je vous fais un dars spécialement pour les saints frères. Ou là, la sœur qui ramène 5 ou 6 sœurs, spécialement pour elle. Elle et ses saints sœurs qu'elle a ramenées, fissabillah. Elle ne leur demande pas qu'il la paye. Elle dit, je fais ça, fissabillah, pour que vous avancez, vous appreniez le din, inshallah ta'ala. Pour cela, bi'idna ta'ala, je suis prêt, bi'idna ta'ala, à me consacrer et à donner de mon temps ce que je peux faire. La même chose pour ceux qui ont, par exemple, des parents qui ne comprennent que le dialecte algérien. Naam. S'ils veulent se regrouper, comme ça, une fois par semaine, dans une maison, je suis prêt à leur faire des doros en commençant par en bas, en parlant avec l'Algérien. Naam. Wallahu ta'ala alam. C'était quoi ici la question? Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam. Et le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. Il y avait entre eux 1000 années. Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam, Nabi. Et le premier messager, Rasoul, qui a Risala, c'est Nuh alayhi salam. le premier qui a été envoyé sur terre. Naam. On passe, inshallah ta'ala, au prochain. Muslimina. Hayakillah, tafadhali. Muslimina. Écris numéro 1, au moins pour qu'on sache que tu es là. Sinon, on va sauter, inshallah ta'ala, pour ne pas perdre de temps. Écris numéro 1, alhamdulillah. Alors, si tu ne peux pas coller la question, donne-la à Muslim, alhamdulillah. Donne-lui la question. Il ne faut pas copier plus de 5 lignes. 5 lignes, pas plus. Le Partalk n'accepte pas plus de 5 lignes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour ne pas perdre de temps, on va passer à Allahu Akbar 78. Musliminia, Muslimina, khlas, c'est ça la question? Tu as terminé, inshallah, tu écris numéro 1. Muslimina, tu as terminé, tu écris numéro 1, bi'idhnillah ta'ala. Alhamdulillah. Tayyib. Tfadlal, lis la question. Naam, je rappelle, inshallah, qu'il faut préparer votre question à l'avance. Barakallahu fikoum. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il vrai que le comportement envers une mécréante doit être différent de celui que l'on doit avoir envers une musulmane, entre guillemets mariée avec un mécréant, entre parenthèses athée? Musliminia, écoute-moi bien. Tu as dit envers une musulmane mariée avec un mécréant. Ensuite, tu as dit athée, tu as écrit avec E. Avec E, ça veut dire que tu es en train de parler de la femme. Et si tu parles de la femme, naam, donc, comment qu'elle peut être musulmane et athée? Sauf si tu veux parler de l'homme. Tu veux parler de l'homme, c'est lui qui est athée. Naam, est-ce que tu veux parler de l'homme? Dis-moi, tu parles de la femme ou de l'homme, c'est tout. Écris-moi homme ou femme. Un seul mot, H ou F. Oui, ce n'est pas clair. Oui, ça veut dire femme, ça veut dire homme. Homme. Alhamdulillah, l'homme est athée, donc la femme est musulmane. Est-ce que on doit avoir le même comportement, naam, que celui qu'on a avec une athée? C'est-à-dire, si c'est ça la question, écris-moi numéro 1. Je te répète la question, muslimina. Si c'est ça la question, tu m'écris numéro 1. Est-ce que on doit avoir le même comportement qu'on a avec la mécréante, c'est-à-dire on doit avoir un même comportement avec la musulmane mariée avec un mécréant athée que celui qu'on a avec une femme mécréante? C'est pas ça. C'est dommage. Donc je vais relire la question. Est-ce vrai que le comportement envers une mécréante doit être différent de celui qu'on doit avoir avec une musulmane mariée avec un mécréant? Naam, j'ai compris la question. J'ai compris. Naam, naam, muslimina. Le comportement qu'on doit avoir avec une kafira doit diverger du comportement qu'on doit avoir avec une musulmane mariée à un kafir. Pourquoi? Si cette musulmane qui s'est mariée avec un kafir reconnaît, dit naam, je sais que le mariage avec un kafir est haram et je suis dans la zina. Dans ce cas, elle est toujours musulmane et rien ne fait la sortir de l'islam. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa mu'min. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit une femme musulmane qui se marie avec un chrétien ou avec un athée, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, car le chrétien est aussi kafir, ne sort pas de l'un des deux cas. Ou bien elle reconnaît que ce qu'elle fait est haram et elle est toujours musulmane, ou bien elle dit non, je ne reconnais pas, ça se fait ça, et elle est kafira. Donc cela dépend de cette musulmane, est-ce qu'elle reconnaît ou elle ne reconnaît pas. y a une grande différence entre les deux. Allah Ta'ala a dit, Zaniyatu la yankihuha illa zanin ou mushrik. Celui qui fait, qui se marie avec une. Si la femme se marie avec un kafir, il a dit, ou bien elle reconnaît les zaniya illa zani ou mushrik. Ou bien elle ne reconnaît pas les kafira. Donc moi, cette femme, je ne la connais pas. C'est Inch'Allah Ta'ala toi qui la connais pour. Elle reconnaît ce qu'elle fait haram ou bien elle ne reconnaît pas. On fait les liens avec l'autre, même si elle est notre soeur, même si elle ne connaît rien. Non, celui qui t'a dit ça, c'est trompé. Celui qui t'a dit ça, c'est trompé, c'est beaucoup trompé. Il y a une grande différence entre le kafir et les musulmans qui font les grands péchés. Le kafir, tu n'as pas le droit de l'aimer. C'est une mécréante. L'autre, tu ne l'aimes pas. Naam, tu ne l'aimes pas, elle ne t'aime pas. Pourquoi? C'est une kafira. Mais celle-là, si elle reconnaît qu'elle est dans le péché, elle est toujours musulmane. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un grand péché. Naam, comme celui qui tue, comme celui qui vole, comme celui qui fait l'homosexualité, comme celui qui prend la drogue, elle a fait la même chose. Tous ceux-là sont musulmans, ils ne sont pas sortis de l'islam. Tant qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans la faute. Naam. Donc celui qui t'a dit que tu dois pencher vers la mécréante plus qu'une pencher, celle-là c'est pas une kafira. Peut-être comme tu dis qu'elle connaît même pas la religion. Elle a ouvert les yeux, elle s'est trouvée à Paris, elle a grandi dans les dancing et dans l'alcool, elle n'a jamais connu ça. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais il est bien sûr de lui donner des nasiha, naam, de lui donner des nasiha et lui expliquer que ce qu'elle fait est vraiment grave et que si elle meurt dans cet état, naam, elle a fait vraiment quelque chose de grave. C'est pour ça qu'elles n'ont pas été éduquées dans le din, naam. Et maintenant, dès qu'elle apprend cela, elle doit se séparer. Dès qu'elle apprend que ce qu'elle fait ne se fait pas et qu'elle est dans la zina, automatiquement, elle doit se séparer de lui et faire la tawba et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui quoi, qu'il lui pardonne. Naam. الله أكبر 78 حياك الله تفضل فيك بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ avez-vous des dalils adiya concernant l'interdiction de souffler sur des repas trop chauds بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته quand quelqu'un نعم demande une chose que je n'ai pas dite. De préférence, il dit, Yachir, pouvez-vous nous donner des dalils, ou là, je cherche des dalils concernant l'interdiction de souffler sur des repas chauds. C'est mieux. Comme ça, ça ne fait pas induire les gens en erreur, ils vont croire que c'est moi qui ai dit cela. C'est pour ça que tu dis, avez-vous des dalils? Naam, ça veut dire, vous avez dit ça, avez-vous des dalils? Donc, de préférence, on dit, pas de mouchkil, Allahu Akbar, il n'y a pas de mouchkil, je suis en train de t'apprendre à toi et aux autres. Yani, on apprend comment et ce que disent les ulamas quand ils te posent des questions. Naam. Ils disent aussi, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou, il dit, quand on commence à poser une question à quelqu'un, on ne lui dit pas par exemple, vous avez dit hier, ou là, vous avez dit dans le cours passé, mais on dit, on a dit. Cheikh, pardon, on a dit dans le cours passé ceci ou cela. Pour ne pas faire tomber toutes les choses sur celui qui a fait le dars. Mais il dit, on a dit. Là, on est avec vous, nous aussi, on participe. Et on a dit. En ce qui concerne souffler sur les repas chauds, les hadiths se trouvent dans le Bukhari et dans Sahih Jami' de Sheikh Al-Albani. Où il est dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abi Huraira, ne mangez pas le repas qui contenait de la vapeur jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait jamais le repas chaud où on voit, je ne sais pas si ça s'appelle la vapeur, où on voit le truc ça chaud qui est en train de monter, l'air chaud qui est en train de monter, si je l'appelle la vapeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas cela jusqu'à ce qu'elle parte. Premièrement. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith toujours de Abu Huraira, a dit que Voilà justement, je te réponds à pourquoi. Il a dit pourquoi? Fahwa a'zamu barakatan. A'zamu barakatan. Plus on laisse refroidir, plus la bénédiction qu'Allah Ta'ala fait descendre sur ce repas reste. Naam. Et on peut manger la bénédiction, le baraka. Quand quelqu'un mange le baraka, il a mangé la bénédiction, subhanallah l'adim. Premièrement, il va vite se rassasier. Et deuxièmement, ce qu'il a mangé, c'est un shifa pour lui. Naam. C'est un shifa, c'est un médicament pour lui. Ensuite, troisièmement, subhanallah l'adim. Je connais moi des gens de ma famille, sûrement qu'il y a dans votre famille aussi. Si tu lui poses pas la chose comme ça chaude, il la mange pas. Il faut que ça soit comme ça, avec la vapeur. Moi, je connais une personne de ma famille, si tu laisses juste un peu refroidir, elle veut pas manger. Subhanallah l'adim. Troisièmement, quand tu manges comme ça avec la vapeur, ce n'est plus un délice, ça devient un châtiment. Subhanallah l'adim. Tu commences à te brûler et à souffler, à chercher de l'eau, à tousser. Subhanallah l'alim, c'est quoi ce manger? Moi, je voudrais manger à l'aise, sentir, mashallah, sentir que je suis en train de manger, trouver le délice dans ma bouche. Maintenant, je me brûle ma langue, je me brûle mes lèvres. Non, naam, je voudrais savourer le manger. À quoi ça me sert maintenant que je me brûle? Je vais me brûler. Subhanallah l'alim, c'est étonnant pour les gens, yani, qui mangent comme ça. Et comme j'ai dit, c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous pouvez faire quelque chose que tout le monde fait, bien sûr. Vous ouvrez à l'intérieur avec la cuillère. Si c'est par exemple du riz très chaud. Tu mets la cuillère à l'intérieur, tu commences à ouvrir comme ça au milieu, pour que la vapeur monte. Et tu manges seulement du bord. Tu manges du bord, c'est toujours froid. Parce que ça ne se trouve pas au milieu. Non, tu manges au bord. Et maintenant, si c'est comme la shorba, qu'est-ce que tu fais avec la cuillère? Comme ça, tu prends la cuillère et tu rends, tu mets dans la cuillère et tu rends, tu mets ta rang et tu ça refroidisse un peu. Mais de préférence, tu t'éloignes un peu du manger, car si tu vas manger, tu as faim, tu es pressé, tu attends juste un peu et tu commences à manger. Tu peux pas patienter. Et si tu vas dans l'autre chambre chercher quelque chose ou la parler un peu et revenir, tu trouves, inshallah ta'ala, le manger prêt, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. C'est le tour d'Oum Issa, elle a perdu son tour. Elle était en tête de liste, maintenant, la dernière a levé la main. On va voir où est-ce qu'elle est, inshallah ta'ala, Oum Issa. Oum Issa 83, ta fadlali, je t'ai donné l'akhir. Assalamu alaikum. Est-il permis de mentir pour plaisanter, comme par exemple, t'as vraiment rien dans la tête? Ou dire à son enfant, entre guillemets, je vais te tuer, etc. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on dit à quelqu'un, tu n'as vraiment rien dans la tête, c'est pas une plaisanterie. Parce que on voit c'est quelqu'un yani, qui raisonne mal, ou là c'est quelqu'un qui ne comprend pas, ou c'est quelqu'un qui a la tête dure. Donc on n'a pas plaisanté, on en a dit la vérité. Tu n'as rien dans la tête. Et on n'a pas menti, car ça s'emploie, ça s'appelle en arabe, naam, nafi al-kamal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Allahumma la aisha illa aisha al-akhira. Ô Seigneur, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti quand il a dit, il n'y a pas de vie que celle de l'au-delà, alors qu'il y a une vie ici, et il a vécu, sallallahu alayhi wa sallam, 63 ans. Pourquoi il a dit, il n'y a pas de vie que la vie de l'au-delà? Ça veut dire il parle de la vie parfaite. La meilleure vie, c'est la vie de l'au-delà. Mais ça n'empêche pas qu'on vit aussi ici. Quand on dit à quelqu'un tu n'as rien dans la tête, ça n'empêche pas qu'il a, il connaît du Coran, il connaît des hadiths, il connaît des mathématiques, il connaît ceci. Mais yani, dans ce qu'on est en train de parler, il s'est tellement entêtu qu'on lui dit pardon, toi tu n'as rien dans la tête. Non, ça se dit, ce n'est pas grave. Pour dire à son enfant, je vais tuer, etc. Ce n'est pas un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. Le fait de dire à l'enfant, si tu fais pas ça, je vais te casser ta tête, je vais ceci, je vais ça. Quel est son délil? Le prophète Daoud, alayhi salam, non, vous connaissez son histoire, non, quand deux femmes sont venues se plaindre chez lui, chacun des deux dit, c'est mon bébé, car elles avaient deux bébés qui se ressemblent, et le loup est venu après un bébé. Elles sont allées chez Daoud alayhi salam, il a jugé que le bébé revenait à la grande, pas à la petite, la grande femme, la plus âgée. La petite n'a pas accepté. Elle a dit, on va chez Suleyman, son fils. Et Suleyman, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit, donnez-moi un couteau, je vais le couper en deux, chacune prendra la moitié. Alors la petite, qu'est-ce qu'elle a dit? La yirhamukallah. Elle a dit, là, ne fais pas yirhamukallah, il lui appartient, il appartient à l'autre, à la grande. Alors Suleyman alayhi salam l'a donné à la petite. Pourquoi? C'est un dalil que il appartient à la petite, car la petite, la jeune, a dit ne le tuez pas. Ça veut dire que c'est son fils, elle a eu peur qu'il le tue. Mais la grande n'a pas branché. Elle s'est même dit dans son cœur, laisse-le, qu'il le tue au moins, elle le prend ni moi ni elle. Mais la petite, elle a dit non, ne le tuez pas, il appartient à la grande. Ça ne fait rien, elle s'est dit, c'est-à-dire dans son cœur, j'accepte que mon fils le prenne la grande, mais je n'aime pas que le voir mourir devant moi. Subhanallah al-Azim, regardez, la femme tellement elle aime son enfant, elle préfère ici mentir. Elle a dit à l'autre, elle a dit à Suleyman, c'est à l'autre, c'est pas à moi. Elle ment pour sauver son fils, pour le sauver. Subhanallah al-Azim. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, quand il a dit donnez-moi le couteau, est-ce qu'il allait faire cette chose? Non, c'est juste pour leur faire peur et dire la vérité. Comme ça, des fois, on dit aux enfants des choses, c'est juste pour leur faire peur. Regardez, subhanallah al-Azim, regardez le jugement de Suleyman, subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانِ وَكُلَّنْ أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Il a dit, on l'a appris à Suleyman, c'est-à-dire on lui a appris comment juger entre les gens. Ce n'est pas facile de juger entre les gens. La preuve, elles sont allées chez le père de Suleyman, Daoud, et il a jugé pour l'autre, alors qu'il appartenait à la jeune. Mais quand elles sont parties vers Suleyman, regardez la ruse qu'il a utilisée. Une ruse shar'iyya. C'est pas le mensonge, hein? Le mensonge, c'est une ruse, yani, légiférée. C'est comme si quelqu'un, yani, veut faire quelque chose, tu fais semblant que tu vas faire quelque chose, c'est tout. Tu vas faire semblant que tu vas faire quelque chose. Donnez-moi telle chose, je vais la jeter par le balcon. Toi, c'est juste pour que tu saches c'est quoi la vérité. Non, qui des enfants va dire non, la jette pas, elle appartient à l'autre. Non, ou là, elle m'appartient, ou là. طيب تفضل ان شاء الله تعالى prochain سؤال. القصص حياك الله القصص. السلام عليكم. Cher, vous avez dit ce soir que le mensonge était un grand péché. Est-ce un grand péché comme el kabair? Vous vouliez dire? Je reste sur le même sujet. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القصص. N'oublie pas que ça fait seulement une minute ou deux. J'avais donné la nasiha de Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, quand on pose une question, on ne dit pas vous avez dit, mais on a dit. Cheikh, on a dit que ceci, cela. Ma'adisha. Tayyib, même si vous me dites vous avez dit, j'accepte, Inch'Allah Ta'ala, j'accepte. Tayyib. Na'am. Non, je vous ai dit. Justement. Non, c'est pas différent, le qasas, c'est pas différent. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, on a dit, même si le Cheikh a dit. Il veut dire comme ça, il veut dire quand le Cheikh dit une chose, on ne lui dit pas vous avez dit, mais on dit on a dit. Voilà ce que veut dire Cheikh Allah Yarhamou. Naam. Je disais que mentir est un grand péché. Mentir est un grand péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Naam, c'est Kabira min al-Kaba'ir. Kabira min al-Kaba'ir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الله تعالى dit dans le Coran, إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سبحان الله العظيم. Vous avez entendu ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, font le mensonge ou bien mentent ceux qui quoi? Ceux qui ne croient pas en mes signes. الذين لا يؤمنون بآيات الله. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ. Subhanallah al-Azim. Il a dit, وَأُولَٰئِكَ Et ceux-là sont les menteurs. Naam. Le muslim ne doit pas mentir. Quand il ment bi'idhnillah quand il est dans la daroura. Il ment quand il est dans la daroura. Mais jamais, au grand jamais, il ne doit mentir et s'éloigner au maximum du mensonge qui est un grand péché bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est dans quel verset, hein? Attends, je vais chercher le verset parce que je ne me rappelle pas. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Innama iftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Naam, wa ulaika humul kadhibun. طيب. C'est le verset 105 sourate An-Nahl. C'est le verset 105 sourate les abeilles, An-Nahl. Verset 105 sourate An-Nahl. Mentent ceux qui ne croient pas en mes versets. Et ceux-là sont les menteurs. Ummadina, tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullah, Cheikh. Si lors de Aqd al-Zawaj, la femme réclame pour mahram, par exemple, comme pour marh, par exemple une omra fi ramadan, lui est-elle possible de modifier son marh auprès de son mari après avoir. Naam de dot, naam, j'avais compris, Cheikh. Auprès de son mari après avoir consommé le mariage pour quelque chose de moins onéreux, où la promesse doit-elle être tenue? Barakallahu fik wa hafizakallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est son droit. C'est son droit, elle est libre. Naam. Il faut seulement qu'il donne la dot. Au moins, quelque chose de 10 euros ou une petite bague ou un livre ou là. Naam. Maintenant, si elle qui a demandé 10 000 euros, ensuite, c'est une dette, il n'a pas encore donné et ils ont consommé le mariage. Après, elle lui dit, au lieu de me donner 10 000, donne-moi seulement 10 euros. C'est son droit, elle est libre. Naam. C'est pour ça que quand le père demande beaucoup d'argent et que la sœur veut faire quelque chose fi sabilillah, naam, et que le père est du genre, c'est pas lui qui prend l'argent, mais il dit à sa fille, après le mari va te les donner, qu'elle lui délaisse une somme, ou qu'elle partage, ou qu'elle lui demande de ne lui donner que le tiers, ou que le quart, et comme ça, elle l'aide, fi sabilillah, si elle sait qu'il n'a pas, et que son père a demandé beaucoup. Naam. Mais si elle veut prendre cette somme, elle est libre, car rien ne l'a enchaîné et obligé qu'il se marie avec elle. Et il savait que la dot était de 10 000 euros. Il savait qu'elle était 10 000 et il a accepté. Et quoi? Donc il est libre. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des dots qu'il a donné à ses femmes, c'était 500 dirhams. 500 dirhams. Si maintenant vous allez les convertir en or, vous allez trouver presque 177 grammes d'or. 177 grammes d'or. Regardez, pourtant, c'était très difficile à l'époque d'avoir de l'or. Et il donnait à chaque femme 177 grammes d'or. Maintenant, si vous allez les convertir, maintenant, ça va donner, je ne sais pas combien d'euros. Je ne sais pas combien, 20 000 ou je ne sais pas combien. 177 grammes d'or. Subhanallah al-Azim. Je l'ai calculé une fois, j'ai oublié c'est combien. Attendez une seconde. Peut-être que je vais les trouver ici. Une seconde. Une seconde. Et je crois qu'elles sont dans. Regardez à peu près. Attendez, je cherche le. 500 grammes, c'est 40 dinars. Pardon, le prophète Ayerson donnait 500 dirhams. C'est 41 dinars et demi. Soit 173 grammes 375. 160, je vous l'écris. 176 grammes. Ensuite, 375. 176 grammes 375. C'est comme je vous ai dit, presque 177 grammes. Presque 177 grammes. Et si le prix d'un gramme est de 9 dollars, 9 dollars à peu près, ça donne alors 1787 dollars. 1787 dollars. Donc, vous vous demandez c'est combien le gramme d'or? et calcule par 177 et tu verras la dot du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il donnait à ses femmes. طيب كما سي بيان فوند عندي ساعه في الفوتو جي مي بروبليم الحمد لله ما كاش مشكل on me dit 15 euros le gramme 15 euros le gramme qui peut multiplier très vite 177 par 15 qui peut multiplier pour nous dire combien ça donne 177 par 15 non j'ai pas la calculatrice devant moi donc je vais voir dans le portable 177 2655. Attendez, je vérifie parce que c'est une sœur qui a écrit, peut-être elle a ajouté pour avoir beaucoup dans la dot. Attendez, je vais vérifier si c'était un R d'accord. La sœur, non, peut-être qu'elle ajoute pour avoir. 177 multiplié par 19. Ah, je plaisante. Hein. Multiplié par 19. Combien on m'a dit 15 ou la 19 une seconde. Combien de grammes 15 euros. Subhanallah l'adim, j'ai pas trouvé comme ça. Attendez. J'ai multiplié par 115. J'ai multiplié par 115. Maintenant, c'est moi qui veux ajouter. Subhanallah. Je suis un homme, normalement, je diminue. 177 multiplié par 15. 2655. Barakallahu fik, Madina. 2655 euros. Naam. Allez, muslim, alhamdulillah. Si tu as 2655, viens, je te marie avec ma fille. Allez, ramène 2665 et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on se rencontre. Tayyib, c'est à qui le tour, Inch'Allah Ta'ala? Attention, musulman, dans le mariage, il n'y a pas la plaisanterie. Hein? Attention, tu dis d'accord, c'est grave pour toi. Tu sais que il n'y a pas billet d'avion. Ah, ça va revenir cher, Shift. Ah, Shift, tu commences à avoir peur. Tayyib, Firqa Najiya, tafadl ali. Firqa Najiya, Moujoud, Inch'Allah, écrit numéro 1 au moins. On me dit aujourd'hui c'est 17 euros. Aujourd'hui c'est 17 euros et non pas 15. Tayyib, tafadl al muslim. Assalamu alaykum, Sheikh. Allah yhafzkoum. Tout à l'heure, on a dit que pour la taouba, il fallait quatre conditions. Pourriez-vous me les citer? Jazakumullahu khayran. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barbahari, si tu m'entends, écris numéro 1. Jazakallahu khayran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'ibu min al-dhanbi kaman la dhanba lahu. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih, celui qui fait le repentir d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait de péché. Alhamdulillah. Donc vous remarquez en islam, ce n'est pas on ne doit pas faire de péché, mais on doit faire le repentir après le péché. Naam, sahih, on ne doit pas faire de péché. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils font le péché, ils ne font pas le repentir. Alors que d'autres font le péché et font le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Wallahi, si vous ne faisiez pas de faute, yani Allah Ta'ala a dit, si vous ne faisiez pas de faute, qu'il va vous exterminer et ramener un autre peuple qui fait des fautes et demande le pardon et Allah Ta'ala lui pardonne. Subhanallah l'adim. Naam. Tayyib, maintenant, quelles sont les conditions du repentir pour que quelqu'un, son repentir, soit accepté et qu'on puisse dire de lui il a fait Tawbah? Premièrement, il faut s'éloigner de la chose. Ce n'est pas quelqu'un qui sait que l'alcool est interdite, il est toujours en train de boire et il a dit j'ai fait Tawbah. Non, pour faire la Tawbah, la première des choses, tu dois t'éloigner de cette chose. Quelqu'un qui fréquente une femme, on lui fait un rappel, il dit khlas, je fais la Tawbah. Je ne savais pas que c'était haram, ceci, cela. Je ne savais pas. Naam. Et deux jours après, il lui téléphone et ils vont au cinéma. Ils vont au jardin. Celui-là n'a pas fait Tawbah. Il a fait Tawbah. Ce jour-là, quand on lui a fait le rappel, il se jure à l'intérieur de son cœur par Allah que khlas, c'est terminé entre lui et elle. Ni téléphone, ni rien. celui-là, il a fait la touba, il a fait la première condition. Deux, s'éloigner du péché, voilà, s'éloigner du péché immédiatement et ne pas avoir des souhaits, inshallah, l'an prochain, inshallah, dans une semaine, inshallah, dans 15 jours, inshallah, inshallah, inshallah, ça reste comme ça. Deuxièmement, naam, yendim ala ma fat, yendim ala ma fat, regretter ce qu'il a fait, regretter ce qu'il a fait. Celui qui a fait le péché et il s'est éloigné de lui, il ne le fait plus, mais il n'a pas regretté. Dans son cœur, il trouve un plaisir à penser à ce péché. Et, non, vous m'entendez pas? On m'écrit zéro. On m'écrit zéro, vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Deuxième condition, regretter. Naam. Regretter sincèrement ce qu'il a fait. Il y a des gens, naam, qui se sont éloignés du péché, mais il n'a pas regretté. Il a toujours dans son cœur le plaisir de penser à ce péché. Troisièmement, ya'qid, ya'zim ala adam al-aoud. Ya'zim ala adam al-aoud. C'est-à-dire décide, si je puis dire, décide, yani, de ne plus jamais y revenir. Décide de ne plus jamais y revenir. Classe. Il a regretté le passé et il a décidé pour l'avenir. Il a joué entre les deux. Il a joué entre les deux. Car sa vie se compose de passé et d'avenir. Quant au passé, il a regretté ce qu'il a fait. Quant à l'avenir, à partir d'aujourd'hui, il a décidé de ne plus jamais le refaire. Naam, ya'zim la'ud. Quatrièmement, si c'est un péché entre lui et une autre personne, il demande, il rend la chose à la personne. Il rend la chose à la personne. Par exemple, j'ai volé une bague d'or à quelqu'un. Maintenant, quelqu'un m'a fait un rappel, je décide de faire la tauba. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne de la bague d'or. Comment vais-je m'éloigner? Vous allez comprendre. Je regrette ce que j'ai fait. Deuxièmement, troisièmement, je décide de ne plus voler. Quatrièmement, je prends la bague d'or et je la donne à la personne dont je lui ai pris la bague. Non, je vais à la personne et je lui rends sa bague d'or. Mais, je ne suis pas obligé que ce soit moi en personne qui lui rende la bague. Je peux la lui envoyer par une tierce personne. Et je lui dis, c'est pas la peine de dire que c'est moi. Je lui dis, voilà, quelqu'un t'a pris ta bague, il te la rend et il m'a dit de pas dire c'est qui. Ou là, hein, je la mets par exemple dans la boîte aux lettres. Ou là, je la donne à son enfant. Je lui dis, tu donnes ça à maman. Et comme ça, je suis pas obligé de me montrer. De me montrer et dire que c'est moi. Naam, inshallah ta'ala, voilà les conditions bi'idhillahi azza wa jal. Rendre, quatrièmement, rendre, si tu as fait tort à une personne, tu lui rends son droit. Naam. Tayyib, Omar Rihana, tafadhal inshallah. Salam alaykoum, shir. Hakakoum Allah, concernant la viande de la vache, qui est une maladie, comment peut-on interpréter le hadith qui dit que pour l'Aïd, on peut se mettre à 7 pour une vache ou un chameau. Dans Fiqh, Adiyan, règle des deux fêtes, le Cheikh Ali Hassan al-Harabi, Barakallahu Fiqh. Fisout. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On interprète ce hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de celui qui en mange beaucoup. Naam, celui qui en mange tout le temps. Deux fois par semaine, trois fois par semaine, etc. Il risque de tomber malade. Mais celui qui le fait de temps en temps, une fois par mois, une fois par deux mois. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le fait pas? Tout le monde mange le... Tout le monde mange la viande de la vache. Mais il faut... en manger beaucoup, c'est tout. Il ne faut pas en manger beaucoup, mais on n'en mange que de temps en temps. Non, comme ici, pendant l'Aïd par exemple. Wallahu Azza wa Jal A'lam. Tayyib, Kitabullah, peut-être qu'il n'est pas là. Om Hafousa, tafadhali. Tayyib, Om Hafousa, attends une seconde. Il a posé sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Sheikh. Lorsque l'on enseigne le Coran al-Karim, peut-on entourer les fautes de l'élève directement sur le mushaf ou crayon de papier? Barakallahu fik wa zadaka Allahu ilman. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cette question, je ne l'ai jamais entendue, ni lu quelque chose sur elle, ni lu quelque chose sur elle, inshallah ta'ala. Je l'écris et je répondrai, inshallah ta'ala, le mercredi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Om hafous a tafadzali. Salam alaykoum. Une sœur s'est mariée sans consommer le mariage et son mariage n'a pas été déclaré sur les papiers. Elle a juste fait le mariage islamique. Maintenant, le marié ne veut plus se marier. Comment doit-on annuler le mariage puisqu'un juge ne peut pas le faire? Barakallahu fik. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur s'est mariée sans consommer le mariage et son mariage n'a pas été déclaré sur les papiers. Il a juste fait le mariage islamique. Maintenant, le mari ne veut plus se marier. Comment doit-on annuler le mariage puisqu'un juge ne peut plus faire baraklovic? On dit déjà baraklovic que les parents sont là. Bismillah ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Notlob min al-zawj faqat. Notlob min al-rajul hada an yutalliq. An yutalliq faqat. Yaqul. يقول هذا الرجل طلقتك، يقول للمرأة يقول لها طلقتك، ولا يقول بابا طلقت فلانة فقط، غير يقول هذه الكلمة راهي مطلقة الطفلة، غير يقول هذه الكلمة الطفلة راهي مطلقة. والأفضل الأفضل تجيبوا زوج من الناس، زوج من اللي كانوا حاضرين في العقد. نهار درتوا العقد مع الإمام كانوا حاضرين بعض الناس معكم، الأفضل يكونوا حاضرين زوج من هذوك يشاهدوا. يشاهدوا باللي سمعوا الراجل كي قال أني طلقت المرأة، أني طلقت المرأة فقط. وعسى الله سبحانه وتعالى يجيب لكم أفضل منه، عسى الله سبحانه وتعالى يجيب لبنتكم أفضل من هذا الرجل. آمين يا رب العالمين. في سؤال واضح ولا ماشي واضح أم حفوصة؟ واضح الأمر ولا ماشي واضح؟ حتى إذا ما كانوش زوج شهود، نعم، حتى إذا ما كانوش زوج شهود ما كانوش موجودين ما فيش مشكل، ما فيش مشكل، غير يقول طلقتها راهي طالقة. صح، إذا كانوا زوج أفضل، ماشي واجب، أفضل فقط. نعم، فيك بارك الله. أم بلقيس تفضلي. أم بلقيس، إسكو فوزيت لا إن شاء الله؟ تابي أن سي فوزيت لا إن شاء الله. سينو باس أ فريتزر. إن شاء الله. فيزور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-il permis d'acheter des terrains en Algérie, attendre 6 mois, 1 an, entre parenthèses, pour que les prix montent, puis les revendre? C'est une question par personne. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Quand on achète un terrain pour attendre que le prix monte et on le vend, si yani, ce ne sont pas des choses dont les gens ont besoin, comme la semoule, le lait, etc., on les cache jusqu'à ce que ça monte et on les vend. Ça, c'est haram, sauf si le lait se trouve pas. C'est dans les questions de terrain que pas tout le monde achète. Si on l'achète, on attend 6 mois ou 1 an pour que yani, le prix monte, il faudrait payer la zakat chaque année. Chaque année, tu payes, inshallah ta'ala, la zakat de cette terre, jusqu'à de ce terrain, jusqu'à ce qu'il se vende, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Donc, inshallah ta'ala, on reste à une question par personne. Naam. Fadl Sabi. Salamu alaykum. Est-il permis de médire sur les kuffar? De se moquer par exemple de leur tenue, a-t-on le droit de se réjouir de leur malheur? Barakallahu fik, Cheikh, qu'Allah vous préserve. Amin. Salam alaykoum. Est-il permis de médire sur les koufars, de se moquer par une de leurs tenues, a-t-on droit de se réjouir de leur malheur, barakallahu qu'Allah vous préserve. Bismillahir rahmanir rahim, salatu salam ashraf al mursalin. Le kafir, naam, n'a pas de hurma parce que le pervers n'a pas de hurma. Celui qui fait les hurma, ça veut dire quelqu'un qui boit l'alcool devant tout le monde, il m'est possible de dire celui-là il boit de l'alcool, celui-là c'est un buveur d'alcool, ça ne devient pas de la médisance car il ne s'est pas caché mais il l'a fait comme ça devant tout le monde. Naam. C'est ça qu'ils disent le fasiq laysa lahu riba, comme ça ils disent le fasiq laysa lahu riba, c'est un kafir, c'est plus encore. Naam. Quant à se moquer de leur tenue etc, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Naam. Ne se moquer ni des kuffars ni encore moins des musulmans, même le kafir, je ne moque ni de lui ni de sa tenue. Naam. Mais je dis par exemple que cette tenue dans la charia elle se fait pas, c'est haram, c'est la tenue des gens de l'enfer, c'est comme ça, mais ça ce n'est pas se moquer, ça ce n'est pas se moquer, mais c'est montrer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette tenue, c'est montrer le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette tenue. A-t-on le droit de se réjouir de leur malheur? Naam. En principe on se réjouit du malheur d'un kafir quand c'est quelqu'un qui nous déclare la guerre, quand c'est quelqu'un qui nous déclare la guerre, sinon c'est un homme comme nous, c'est un homme comme nous. Naam. Au point où s'il a un problème par exemple son fils meurt et lui il a l'habitude de venir nous faire la ta'ziya quand quelqu'un meurt dans notre famille, alors celui-là il est possible que tu lui dises par exemple patiente. Naam. Ça arrive à tout le monde, il faut patienter. C'est de ses habitudes de nous faire la ta'ziya, on lui fait la ta'ziya à lui sans employer des mots de que Allah Ta'ala lui pardonne, que Allah Ta'ala le fasse entrer au paradis, tout ça c'est haram, mais tu emploies les mots qu'on emploie avec tout le monde, patiente etc. Naam. Mais si c'est quelqu'un qui nous fait la guerre, on se réjouit des malheurs qui lui arrivent, car Allah Ta'ala a dit dans le Coran, lorsqu'il a dit que attendez, je me rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que il a décimé les gens. Et naam, lorsqu'il a dit faqutia dabirul qawmi alladhina zalam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Faqutia dabirul qawmi alladhina zalam fadubira فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ les injustes. Et qu'est-ce qu'il a dit? وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tu as dit Alhamdulillah. Pourquoi? Ceux-là, ce sont des gens qui font la guerre, ce sont les mécréants qui nous font la guerre, etc. Donc il faut faire la différence entre les deux. والله سبحانه وتعالى أعلم. Abu Maryam, حياك الله, تفضل, il reste 10 minutes, تفضل. On a tardé aujourd'hui, والله. وفيك بارك الله سامي أم فاطمة تفضلي إن شاء الله تكيسون يبخيت تفضلي بكون قاد دو تان بكوا إلي ديسون دو واسمو سبو كي يتي أفان أم فاطمة بكوا إلي ديسون دو جوي با دوني البوان روج. المهم تتكوي سي ديزيستي أم فاطمة إتو بخيت أو بيان أن ديسون غاني 2001 فاطمة écrit numéro 1. Om Fatima écrit numéro 1. Tayyib, peut-être elle n'est pas Rani, ou là, comment qui s'appelle 2001. Tafad Rani, on n'a rien vu, hein. Ça s'est pas affiché. Ça s'est pas affiché. Rani 2001, ça s'est pas affiché. Rani, si tu as le micro, Écris-moi numéro 1, je te donne le micro. Ranis, si tu as le micro, prends directement le micro et tu poses la question. Si tu es un homme, tafadhal, prends le micro. Inch'Allah, posez la question à l'écrit. Barakallahu fikoum. J'avais dit à Rani de prendre le micro si c'était un homme. J'avais bien dit cela. Maintenant, si c'est une femme, qu'elle l'écrive, inshallah ta'ala, qu'elle l'écrive. Subhanallah, normalement, la question, elle est déjà prête sur un fichier. Elle est déjà écrite sur un fichier. Quand je retire le point rouge, on la copie, on la colle. Il ne faut pas mettre les plus, il ne faut pas mettre les moins, il ne faut pas mettre égal, il ne faut pas mettre le point d'exclamation. Cheikh Abdullah Moustache, hayakallah, kif al-hal fi Inglaterra? Kif al-hal fi Inglaterra? Hayakallah. Inch'Allah, dhuk nous a'tik al-laqit tumatti a'adhanana bi shi, inch'Allah ta'ala. الحمد لله دوك نعطيك اللاقط ان شاء الله تفضل ابن القيم الشيخ ماشي ابن القيم، أنا مسلم. السلام عليك يا الشيخ. Pouvez-vous me conseiller car je n'arrive pas à faire revivre mon cœur. Car par moments, je commets des péchés tout en sachant que ce que je fais, c'est mal. Et je n'ai pas la force de changer ma situation. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه صوت؟ نعم. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire tout son possible, faut faire tout son possible pour que le cœur ne meure pas. Si le cœur meurt, il devient noir et il est brûlé et il ne peut plus faire son emploi. نعم. Allah le bien et le prôner et discerner le mal et le condamner. Si le cœur maintenant est noir et là s'il est brûlé, c'est comme la batte ne peut pas faire démarrer la voiture. Il vaut mieux s'en débarrasser et la jeter. Non. Donc il faut faire tout son possible pour que le cœur ne meure pas. Comment meurt le cœur? En faisant des péchés et sans revenir vers Allah. On fait des péchés, on ne revient pas. On fait des péchés, on ne fait pas la tawba. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un point noir sur un point noir, jusqu'à ce qu'il noircisse à 100%. A'oudhou billah. Donc, Akhil Karim, essaye au maximum, bina ta'ala, à chaque fois que tu fais un péché, de revenir vers Allah ta'ala et de demander au pardon. Et si tu es sincère, de faire tout ton possible pour t'en éloigner. Tout ton possible pour t'en éloigner. Dis-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque délaisse une chose en Allah ta'ala, il le compensera en mieux que cela. S'éloigne d'un péché, fisabilillah, ça te compenser ici mieux que bi'idhnillah ta'ala, yani ce que tu as délaissé, car cette chose tu l'as délaissé, fisabilillah. Non, Allah Ta'ala ne te laissera pas. Car, comme il a dit dans le Coran, jahadu fina, tu as fait le djihad pour le visage d'Allah et tu laisses ce péché. Non, et Allah Ta'ala va te compenser dans cette vie et dans l'au-delà au mieux que cela. Ne t'assois pas beaucoup avec les gens qui sont loin du dîn. Ne t'assois pas beaucoup à la télévision. N'écoute pas musique. Ne va pas dans les endroits, naam, où il y a le haram et il y a les plaisirs, etc. À lire le Coran, à côtoyer les gens pieux. Et tu verras ce que Allah Ta'ala descendra sur ton cœur, bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. Brani 2000, assalamu alaikum. J'avais préparé la question. Ma mère veut aller à la Mecque. Naam, salam de Hadjot. عليكم السلام جميعا يا أهل حجوت، عليكم السلام جميعا. نعم عليكم السلام جميعا ذو حجوت، بارك الله فيك. نعم elle dit ma mère veut aller à la Mecque, elle est divorcée, il veut partir avec des gens de confiance, un couple est-ce autorisé, barakallahu fik. طيب غاني، je réponds en arabe ou en français? Je réponds en arabe ou en français? A pour arabe et F pour français. Arabe et français. Alhamdulillah. La plupart, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. La plupart des ulama, la plupart, si ce n'est pas tous, disent que tant que elle n'a pas de mahram, le hajj n'est plus obligatoire pour elle. Et le fait qu'elle ne parte pas ta'atan lillah azza wa jal, parce que lui, il a dit qu'il ne fallait pas partir, Allah Ta'ala lui écrira comme si elle était allée au hajj. Parce que les actes dépendent des intentions. Elle veut aller, mais il n'y a pas à écrire que quoi, que c'est comme si elle est allée au hajj bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Si elle a de l'argent, elle paye à quelqu'un. Elle paye à quelqu'un un mahram et il part avec elle. Si elle ne peut pas, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas trouvé le mahram, de préférence, elle n'y va pas. Et Allah Ta'ala va lui donner le ajr de ne pas être parti et de lui avoir obéi. نقول بالعربية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكثر العلماء يقولوا باللي المرأة إذا ما وجدتش المحرم الحج حرام عليها، إذا راحت للحج حرام عليها خاطر ما عندهاش المحرم، والله سبحانه وتعالى جعل المحرم هذا الشرط، يعني لازم يكون عندها محرم. وإذا ما كانش عندها محرم كيفاش تدير؟ ما تروحش والله تعالى يكتب لها الحج بها، أم بصح ما كاش المحرم ما لوش تدير، ما تروحش والله سبحانه وتعالى يكتب لها غدوة كي تلقاه كلي راحت للحج، خاطر كانت حابة تروح، ولو كان ماشي المحرم لو كان راهي راحت مع ناس، بصح خافت من الله اللي حرم لها وما راحتش، والله تعالى يكتب لها كلي راحت للحج 100%. أخي عبد الله كنز، إن شاء الله تعالى جو سوي فاتيغي بإذن الله عز وجل، prends le micro pendant 10 minutes ou un quart d'heure pour nous faire une nasiha إن شاء الله تعالى، et ensuite tu me donnes le micro pour إن شاء الله تعالى terminer. تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا محمد. والله كنت على الخاص وكنا في بعض الإخوان، وسبحان الله شيء مضحك أن أحدهم يعني يريد أن نستأنس بهذه الأحداث حتى نستفيد منها ونتعلم. هذا أحد الإخوان المسكين المغتر بأفكار الخوارج، قبل أشهر معدودات تكلمنا في بعض المواضع في الإيمان وغير ذلك، وكان يطعن في الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، يعني كذبا وبهتانا، وكان يقدم شيخ له يسمى الصنعاني. فهذا الصنعاني لشدة تكفيره دون مراعاة أي قواعد يكفر العلماء ويكفر الحكام ويكفر حتى عوام الناس وعلى رأسهم أنا، كفرني. وهذا الرجل المغتدي يدي on a complainé quoi sur الحجاج بن يوسف، sur الحجاج. قال دخلنا على أنس بن مالك يونا فشكونا إليه، في معنى الأثر Manal min al-Hajjaj. Ils ont compliqué, comme les musulmans d'aujourd'hui, ils complaignent sur les gouverneurs. Ils ont des complaintes, les gouverneurs sont pas justes, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, autant les tabi'in, les grands sahaba, ils ont compliqué aussi sur le Hajjaj. Il a dit, Anas ibn Malik, il a dit, je m'excuse, je m'arrête parce qu'il y a une personne qui m'invite chaque 2 secondes, Allah musta'an. Il a dit, je lis en arabe, puis j'essaie de traduire, si vous pouvez m'aider, fatfadal. Il dit, Ma min amin, illa walladhi ba'dahu shar. Sharun minhu, hatta talqaw rabbakum. Thumma qal, sami'tu hadha min nabiyikum. Le hadith, vous le trouvez dans le Bukhari ainsi que l'imam Ahmed, rahimahullah, rahimahullah jami'an. Il dit, il n'y a pas une année, c'est ça, qui vient, elle est pire que celle qui est, que la précédente. Jusqu'à le temps où vous allez rencontrer Rabbakum, Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, l'année qui vient, elle est pire que l'année qui est partie. Et puis, Ibn Hajar, rahimahullah, quand là il donne l'explication de ce hadith, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, il a dit que ce athar, ashkal al-nas, il y avait des problèmes à comprendre ce athar, en disant que, regarde, le temps de l'Hajjaj ibn Yusuf, l'époque du Hajjaj, si on la compare avec l'époque de qui? De Omar ibn Abdelaziz, ce hadith ne marche pas avec. Pourquoi? Parce que, d'après eux, parce que l'époque de Omar ibn Abdelaziz était meilleure que celle de l'Hajjaj. Omar ibn Abdelaziz était des fois mieux que l'Hajjaj dans tous les domaines. Alors ce hadith, il dit que l'époque qui vient, elle est pire, elle est plus mauvaise que celle que la précédente. Puis il a dit, jusqu'à au temps où on a trouvé le attar de Sahaba, qui est un grand alim, un grand savant, des grands Sahaba, qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda. Regarde, voilà ça, c'est un exemple. Et Zakallah khair, Cheikh Chalabi. C'est un exemple de quoi bénéficie. En revenant au Qal Allah, Qal Rasul, d'après la compréhension de qui? Hein? De l'Ikhwan al-Muslimoun? Ou bien des Khawarij l'Asr, ou bien des Soufis, non, d'après la compréhension des Sahaba. Et qui mieux que ceux, les grands savants des grands Sahaba, qui est Abdullah ibn Mas'ud, un grand Mufassir aussi. Il dit, une fois je suis revenu à ce Atar, j'avais plus de problème pour comprendre ce hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ibn Mas'ud, il a dit, La ya'ti alaykum yawman. Il a répété exactement, plus ou moins, la même phrase que le prophète Hassan a dit. Il ne viendra pas le jour. Il est plus mauvais que celui qui est le jour précédent. Il n'a pas dit l'année, le jour précédent. Puis il a expliqué pourquoi. Il a donné la raison. Et c'est ça, ce qu'on cherche. Quand, lestu a'ni. Et je dis pas, je parle pas de la monnaie et de la facilité de vie. Parce que si on compare le temps de Omar ibn Abdelaziz, les gens, mashallah, Omar ibn Abdelaziz, il était juste au point, il avait de la monnaie dans son khazina, au point où il a marié les jeunes de l'argent des musulmans. Alhamdulillah, il avait tout. Moi, je parle pas de ce jour. De choses, non, je parle pas de ça. قال ولكن لا يأتي عليكم يوما يوما إلا وهو أقل علما يا أخ الله أكبر من اليوم الذي مضى قبله. Il ne viendra pas le jour où le jour qui vient a moins de science que le jour qui est parti. فإذا ذهب العلماء, une fois les ulama sont partis, استوى الناس, les gens sont sur le même niveau. فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, il a dit que Lui compare, il dit, la comparaison, c'est dans le ilm, dans le savoir. Le jour qui vient est pire parce qu'il y a moins de savoir. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne, ya ikhwan, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus en plus on s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'éloigne du haqq. De plus en plus on s'éloigne du haqq, on se dirige vers autre secte, wal'iyadu billah, ou bien vers autre croyance. C'est pour ça. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de problème. Au temps de Abu Bakr, il n'y avait pas de problème. De la vérité, Zakallah, au temps de Omar, il n'y avait pas de problème. Une fois on s'éloignait un peu, Outman, les problèmes commencent. Ali était encore pire. Et une fois, après les quatre Khulafa al-Rashidin, les gens se sont dérivés et les sectes se commençaient à se développer, etc. Pour vous dire, de plus en plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'éloigne du haqq, de la vérité. De plus en plus, on s'éloigne du ilm, du savoir, on s'éloigne de la haqq, de la vérité. De plus en plus, on s'éloigne de la compréhension des salaf salih, on s'éloigne du haqq. Juste pour vous dire, voilà notre Atar ibn Mas'ud, un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dans le Bukhari, qui a sah, le kitab le plus authentique après kitab Allah Azza wa Jal, qui parle sur ce genre de sujet qui est très important. Donc je me conseille à moi, à mes frères, surtout les frères et les sœurs qui sont jeunes ici, de ne pas perdre votre temps et bénéficiez de votre temps le maximum possible. Commencez par le Coran. Même si vous, une demi-heure chaque jour, et vous restez sur cette chose, alhamdoulillah, vous prenez 10 minutes de votre temps avant de dormir, vous ouvrez Kitab Sahih al-Bukhari, qui était fait pour les gens de la masse, ce n'est pas pour les ulama. Lisez la muqaddima pour voir. Les Kitab al-Bukhari, vous lisez un hadith avec votre famille. Un hadith. Et vous essayez de le comprendre si vous pouvez. Même si le fait de le lire en arabe, puis en français, en arabe ou avec une autre langue, alhamdoulilah, chaque jour, subhanallah, un rythme, zakallah, chaque jour, dans 3 ans ou bien dans 4 ans, vous allez constater que vous allez lire. Subhanallah Rabbil Azim, plus que 1500 hadiths. Un an, 360 hadiths, 365 hadiths. Et vous avez une idée, une compréhension sur le hadith. Ça c'est du savoir, ça c'est du ilm. Non, on ne considère pas, on ne prend pas en considération. Parce qu'on dit, c'est qu'est-ce on dit hadith. Mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a pris. Et c'est comme ça le shaitan, le livre qui vous empêche. 10 minutes, c'est tout, Ikhwan. 10 minutes, faqat. Vous ouvrez Kitab Sahih al-Bukhari, vous lisez le hadith, si vous pouvez traduire, alhamdoulillah, donner une petite compréhension, alhamdoulillah. 10 minutes, hein? Une demi-heure du Coran, une demi-minute du hadith, ça c'est déjà beaucoup. Si vous pouvez faire plus, tfaddalou, qu'Allah Azza wa Jalla vous facilite. Et je vois que le Cheikh est revenu, Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. أسأل الله عز وجل من بريزيرفي ان سوكو مي فرير اي سور كي سون دون لو سالون وان ينفعنا مما علمنا ويجعلنا واياكم ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه والله تعالى اعلى واعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عفوا جزاك الله خيرا على هذه النصيحه وبارك الله لك في علمك اسال الله تعالى ان ينفعنا بها وينفعنا اخواننا جميعا. On a commencé le dars à 22h. Il est à 22h chez moi. Il est 2h du matin, c'est-à-dire exactement 4h bidna azawajal moins 5. Sur cela, tayyib. Sur cela, inshallah ta'ala, je dois vous laisser bidna azawajal en vous donnant rendez-vous à quand? À mercredi, c'est-à-dire après-demain, bidnillahi subhanahu wa ta'ala alam. Muslimu alhamdulillah pour les cours du Hajj. Pour les cours du Hajj, regarde, il y a eu cette absence qui va venir. Cette absence où je vais m'absenter, bi'idhnillah azza wa jal, pendant une semaine. Pendant une semaine. Taïb, c'est pour ça que dites-leur, Cheikh, naam, tfaddal ani sma' muslim, dites-leur. Inch'Allah, naam. J'ai dit que maintenant, il y a une semaine où je vais m'absenter. Il y a une semaine, bi'idhnillah ta'ala, où je vais m'absenter, bi'idhnillah ta'ala. C'est pour ça que maintenant ça devient une entrave pour le Hajj. Ça devient une entrave pour le Hajj. Naam. Et Cheikh Wasmo, Cheikh Ammar Medine, a permis de quoi? De diffuser ses cours, bidna ta'ala. L'Akh Ammar Medine a permis de diffuser ses cours en ce qui concerne le Hajj. Naam, il a dit, vous pouvez diffuser mon cours pour ceux qui n'ont pas assisté. C'est pour ça, Mousselem, alhamdoulilah, fais quelque chose, fils Abidullah. Moi, j'ai maintenant des retenues. Fais quelque chose, fils Abidullah. Ouvre une salle. Naam, vous avec deux personnes là, vous ouvrez une salle, les règles du Hajj, rediffusion, les règles du Hajj, rediffusion, et vous rediffusez, Inch'Allah Ta'ala, vous groupez avec un les 4 ou les 5, Inch'Allah Ta'ala, de zéro. Hein, vous recommencez du premier dars, Inch'Allah Ta'ala. Naam, il faut que tu te procures des cours. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont ces cours. Il est 2 h du matin, je vous dis, Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى